Allez, parfois, je reviens à la maison de manière énervée. Je reviens à la maison énervée. Quand quelque chose se passe à la maison, je réagis de manière très négative. On dirait même pas que je viens de dans un endroit où on a appris. Donc, parce que lorsque je suis dans là-bas, ce qui se passe, tu sais que ce n'est pas. Bon, je ne sais pas si. On dit tellement de choses, bon, tu obéis, mais après tout, quand tu arrives à la maison, que les choses te reviennent dans la tête, que mais ça, je n'aurais pas dû accepter, je n'aurais pas dû faire ça. Et ça fait que vraiment, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout bon. Mais il y a des moments, même quand je vais, tu vas là-bas, tu es tellement lourd, tu es tellement lourd, j'ai l'impression que tu pèses encore, on dirait qu'il y a un autre poids supplémentaire sur toi. Et ça peut te donner même le sommeil. Ça peut te donner le sommeil. Donc, quel que soit ce que le pasteur dit, les gens, j'ai constaté que je n'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de gens. Quel que soit ce que le pasteur dit, tu es lourd, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour dire quelque chose. Tu ne peux que dire Amen, Amen, Amen. Mais pourtant, tu ne sais pas ce que le pasteur a dit. Et tu as dit Amen. Ça fait que c'est compliqué seulement. C'est lorsque je suis sorti définitivement, lorsque le frère Junior, j'ai rencontré vraiment le frère Junior, il nous a sorti. Il a brisé le jour, quoi. Il a brisé sérieusement, c'est trop fort. Non, mais ce que tu dis là, c'est une réalité. Moi, j'étais avec mon épouse, on était chez un, là, qu'on appelle le prophète Ézéchiel. J'ai dit que quand tu es chez lui, là, quand tu es avec lui, tu sens une certaine présence, une certaine joie qui t'enveloppe, qui fait que quand tu es avec lui, c'est-à-dire, tu n'as pas cette envie de contester, c'est-à-dire, toute envie de contestation, c'est-à-dire, Ça s'enfuit ne te revient même pas, c'est vrai. de ton esprit. Donc, tout ce qu'il dit là, tu penses que ça vient de Dieu. Voilà, Et tout ce qu'il te exactement. dit, puisque on le prend comme un Dieu. En fait, c'est ça. On les valorise, on les adore à la limite. Mais c'est ça. On dit ce que l'homme de Dieu a dit. C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est C'est le Seigneur ça. qui l'a parlé. Et donc, on doit suivre ce qu'il a dit. Pourtant, tout ça, c'était les envoûtements. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on ne lit pas assez la Bible. On ne lit ça, on ne lit pas assez la Mais Bible. c'est ce que j'ai dit, étant là-bas, là, si tu veux lire la Bible 1000 fois, lis la Bible 1000 fois, tu ne vas jamais rien comprendre dedans. Non. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais d'une part, nous-mêmes, on n'a pas aussi tout le temps de lire notre Bible du début jusqu'à la fin. C'est maintenant qu'on attend le temps. C'est ce qu'on t'a dit. On dit que tu es déjà envoûté. Quand tu es envoûté là-haut, tu peux prendre quel temps pour lire la Bible encore. Ça veut dire que non, ce que l'homme de Dieu a dit là-bas, là, ça suffit. Donc j'ai déjà compris bien ce que j'ai déjà écrit là, ça me suffit. C'est comme ça qu'on prenait le truc, hein? Voilà. Ou bien. Et puis, ou bien, l'homme de Dieu, il peut lire un passage, donner une interprétation. Et c'est ici que moi, je suis venu, je vois que l'interprétation de certains passages que le frère Junior a donné, c'est carrément le contraire de ce que dans les dénominations. Donc, ils interprètent d'une autre manière et c'est pour aboutir à quelque chose. Ils Il fabriquent fabrique pas ça pour te donner. Toi, si tu es content, tu dis, oh, ça là, le Seigneur ici, hein. Mais ce qu'on peut dire dans tout ça, c'est que le dernier message qu'on peut dire dans tout ça, effectivement, c'est que le frère Paul Espons a souligné est aussi important. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la notion de l'envoûtement. C'est vrai que dans certaines dénominations, les pasteurs, ils ont des fétiches, ils ont enterré des bébés, soit sous leur autel pour pas envoûter vraiment les fidèles qui viennent dans ces églises-là. Mais au-delà vraiment du phénomène d'envoûtement, il faut dire aussi que vraiment les fidèles qui fréquentent cette illumination, ces églises-là, vraiment ne prennent pas soin vraiment de lire la Bible, la parole de Dieu. Laissent les gens autour les mains du pasteur parce qu'ils considèrent le pasteur comme étant l'absolu. Donc, c'est la même qu'ils considèrent le pasteur comme étant l'absolu. C'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche, c'est ainsi dit le Seigneur. On n'a pas à discuter, on n'a pas vraiment à réfléchir, au moins à examiner ce que le pasteur dit. Alors que la Bible dit clairement que nous devons examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais les gens C'est ça. aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Il n'y a pas un support. Le support que Dieu nous a donné, c'est la parole, c'est la Bible. Jésus-Christ, vraiment, lorsqu'il partait à la veille de son départ, quand il a fait la prière, c'est son détail, il a dit à ses disciples que je vous laisse ma parole. Voilà, donc le seul héritage que le Seigneur nous a donné, c'est sa parole. Il dit, demeurez dans ma parole. Est-ce que vous m'avez fait les frères? Mais aujourd'hui, on constate que les gens, la Bible est là. On a la Bible même dans l'audio, on a la Bible vraiment dans n'importe, dans la technologie aussi aujourd'hui, a fait que la Bible à notre portée. La Bible à la portée de tous. Mais combien de personnes prennent le temps de lire la Bible? Tu vois, les gens ne lisent pas. Or, la Bible dit clairement que mon peuple commet par manque de connaissances. Donc, cette ignorance-là, vraiment, qui est dans le cœur des gens, aujourd'hui, fait que les pasteurs ont la facilité de les manipuler, de les escroquer, de les tromper. Et tout ce qu'ils disent là, puisque les gens ne vérifient pas à la lumière des... C'est ça, oui. Je dis, frère. Il dit, tu peux lire la Bible. Si tant que le Seigneur n'est pas avec toi, tu peux lire la Bible. Tu lis la Bible 10 fois. Et tu ne vas jamais comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi ça, je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens aujourd'hui qui... Parce que parmi dans ces églises-là, il faut reconnaître que tous ceux qui sont dans ces églises-là, il y a aussi quand même des enfants du Seigneur qui sont dedans. Mais c'est ça, j'ai dit, les enfants du Seigneur, là, quand ils commencent à comprendre, qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu à vérifier dans les Écritures ce que les pasteurs ont dit, et puis cet esprit les a éclairés pour leur montrer que, il y a certains que le pasteur enseigne qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme. Et c'est juste ça. Voilà. Le moment où le Saint-Esprit te montre là, que maintenant tu vas aller les combattre avec ça là, ils vont te chasser de l'église. Ou bien le Seigneur même t'enlève là-bas parce que tu n'auras même pas. Parce à qui même tu allais expliquer? Quand tu vas expliquer, la personne va dire, ah, ce que le pasteur a dit, c'est ce que nous on suit. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est ce qui se passe. J'aimerais aussi ajouter à ce que le frère Angoran vient de dire là, que les fidèles ne lisent pas la Bible. Mais en plus, vous voyez, ils font plein de brochures pour détourner les fidèles pour ne pas lire la Bible. Moi, par exemple, quand j'étais à l'église catholique, on a plein de brochures. On a les livres de prière, on a les livres de Saint-Rita, on a les livres de certains saints. Donc, il y a une panoplie tactique. Et là-bas, ça, c'est leur domaine. Depuis pas longtemps, on les a connus comme ça. Mais oui. Les évangéliques de Mena qui est là, c'est d'eux on parle. Parce que tout le monde a sa Bible dans sa main. Mais tu vas demander parmi eux là. Dès qu'ils prennent la Bible, tu commences à lire, ils vont commencer à dormir, ils vont commencer à bailler. Oui. C'est ça. Il y a un truc qui est en bas, hein. Même dans les églises évangéliques aussi, il y a des brochures, il y a plein de livres. Oui, effectivement. C'est que le frère Paul dit, c'est la vérité. Même dans les églises évangéliques, il y a des brochures. Il y a des brochures, mais là-bas, tout le monde a sa Bible. Mais de l'autre côté, personne n'a de Bible là-bas. Après, c'est qu'ils disent là-bas, personne n'a la Bible là-bas. Moi, j'ai passé là-bas, personne n'a la Bible. Oui. Et puis, c'est vrai ce que le frère est en train de dire. Parce que les brochures que les gens ont écrites, même dans les milieux évangéliques, ça fait que ça a pris le pas sur la Bible. Les gens les accordent beaucoup plus d'importance par rapport à la Bible. Par exemple, un document qui sort, il dit que la puissance, comment avoir l'onction du Saint-Esprit. Or, ce document qui sort, aujourd'hui, nous, les chrétiens, on ne cherche que l'onction. Donc, les gens pensent qu'en prenant ce raccourci, en achetant ce document-là, la personne peut avoir rapidement l'onction. Et ils laissent la Bible de côté en prenant, achetant ce genre de livre. Et ça fait que la Bible est plus ou moins quasiment oubliée. Et c'est vrai ce que le frère est en train de dire. La Bible est aujourd'hui oubliée au détriment de ce document. C'est ça, je dis, la Bible est vraiment oubliée, mais si tu es vraiment une semence du Seigneur, là, tu vas sortir de là où tu te trouves avec ta Bible. Parce que tu vas commencer à comprendre. Quand tu commences à comprendre que tu veux leur dire que non, voici ce que le pasteur a dit là, avec ce que j'ai lu dans la Bible, là, ça ne va pas de même là. On te prend pour un fou. Ils vont commencer à te mettre à l'écart. Vous dites que non, faut te mettre à l'écart, bien toi, tu fatigues les gens ici. C'est comme ça que tu te retires d'eux. C'est toujours comme ça. Nous tous, ça ne sert pas de l'avoir on est quitté à un, parce que ça ne va pas qu'on est quitté. Ça ne va pas. Moi, ce qu'un tour, je n'ai pas fait. Je fais le tour, je m'en vais, je dis quand ma tête coin là, je mets l'autre côté. Tout ça, c'est le Seigneur qui me faisait balader. Pour finir là, je ne suis pas arrivé à mon point. Ça, c'est vrai. C'est compliqué seulement. Ah, amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le Seigneur qui connaît ses enfants. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai, S'il a mis sa main sur toi, là, tu ne peux pas rester dans un coin comme ça. Tu vas sortir très vite même. Parce que tu ne peux pas les combattre. Tu ne peux pas les combattre. Tu ne peux pas. Le mieux, c'est de sortir. C'est, si tu ne sors pas, tu ne peux rien. Même si tu restes dedans, tu ne pourras même pas corriger quoi que ce soit. Peut-être même là, ils vont t'attendre devant la porte. Dès que tu arrives, même là, j'y peux plus, on dit, toi, tu rentres plus ici. Allez, ils ont tout le pouvoir. Ils ont tout le pouvoir. Parce que c'est notre église. Ils disent que c'est mon église. Toi, tu vas les dire quoi? Tu vas les dire quoi? Il va te dire quand il mettait les 4 minutes, là, tu vas lui dire quoi? La mère, c'est ça de quitter là-bas. Bon, maintenant, face à ces pasteurs qui pullulent partout de nulle part, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour eux, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester là, assister impuissant à ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui? On fait quoi? Moi, je pense que c'est vrai, la question, elle est très difficile. Hein. Mais je pense que on n'a pas le choix que d'intercéder pour eux. On doit intercéder surtout. Bon, ces pasteurs, parmi ces pasteurs, il faut dire que la grande partie, ils ont déjà vendu leur âme et ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. Malgré quel que soit ce que tu leur dis, ils ont un agenda et ils ne font que le suivre. Maintenant, notre intercession, notre prière, c'est surtout à l'endroit des fidèles, de ceux qui continuent de fréquenter ces endroits-là, afin que le Seigneur puisse les faire sortir un à un, les désenvoûter. Voilà. Sinon, vraiment, ces pasteurs, il faut dire que la grande partie, ils connaissent, ils ont déjà leur agenda et ils ont déjà signé des papiers avec leur patron, le diable. Donc, on ne peut que prier pour eux. Oui, frère Sylvain, on fait quoi? On fait quoi avec ça? Bon, effectivement, ce que le frère Jacques vient de dire, je pense que c'est ça. Ce que nous pouvons faire, c'est de demeurer toujours dans la parole. Voilà, Dieu nous a fait grâce, on est sortis de cette dénomination-là. Et à nous de veiller sur nous-mêmes, pour ne pas recopier ce qui se passe dans ces églises-là. Voilà, pour ne pas les recopier. Il faut un nettoyage même à notre niveau même. Il faut vraiment prier pour que Dieu fasse toujours ce nettoyage-là de ces déchets dénominationnels qu'on a hérités des dénominations. Ça, c'est le travail que nous devons faire qui doit être fait à nous, à notre niveau. Maintenant, concernant ceux qui sont dans ces organisations-là, ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir intercéder. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a fait grâce à nous sortir de là-bas. Parce que si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux pas sortir. Oui, tu ne peux pas sortir. C'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu qui va te faire sortir. Et la Bible nous donne cette assurance que tous ceux qui sont du Seigneur viendront à lui. Jésus a dit quoi? Il dit que je connais mes brebis et mes brebis entendront ma voix, ils viendront à moi. Alors donc, fondé sur cette assurance, la parole de Dieu-là, ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour ces personnes-là, pour que Dieu les fasse grâce, pour que ceux-ci aussi puissent vraiment voir la vérité est sortie moi, de cette poubelle dénominationnelle là. Mais c'est ceux ça. Qui ne sont pas du Seigneur, on ne peut pas faire autrement. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils sont condamnés vraiment à la perdition. Oui. Voilà, ils sont condamnés à la perdition. Oui. Parce que ces personnes-là, tu vas beau prier pour eux, tu vas beau même venir même leur montrer vraiment la vérité. Tu seras même pour eux, un ennemi. Tu seras pour eux. Voilà. Voilà. Ils vont t'attaquer la nuit. Ils vont t'attaquer, ils vont te persécuter, tu vois, parce que ils ont été prédestinés à ne pas voir la vérité, à ne pas connaître la vérité. Mais nous croyons que il y a encore des brebis du Seigneur qui sont encore égarés, puisque Jésus qui s'est venu pouvoir chercher son brebis, ce qui était perdu, et ce qui était perdu, c'est les brebis qui sont égarés, qui sont dans ces organisations-là. Donc, nous devons prier, intercéder pour que Dieu puisse vraiment ouvrir les yeux de ces personnes-là afin que ceux-ci puissent aussi accéder aussi à la vérité comme nous aussi, nous avons fait grâce de pouvoir aussi accéder à cette vérité-là. Donc, moi, je pense que c'est... De toutes les manières, le Seigneur va les faire sortir tous. Le Seigneur va les faire sortir tous. Personne ne va rester là-bas. Oui, amen. Amen. Donc, la chose se trouve à deux niveaux. D'abord, à notre niveau, nous-mêmes, c'est vrai qu'on est sortis. Mais en sortant, il faut que nous prenions garde de nous-mêmes pour ne pas recopier les fautes, les erreurs qui se passent là-bas, les fautes qui se passent là-bas. Il faut que le Seigneur fasse un nettoyage même dans notre vie. Il faut que vraiment notre vie soit nettoyée par le Seigneur. Maintenant, concernant ceux qui sont encore là-bas, ce que nous pouvons faire, c'est de fléchir les genoux et intercéder en leur faveur. Donc, moi, c'est un peu ce que je vois. Voilà. Maintenant, il y a un fait que je veux relever. Parce que, en les écoutant, on se rend bien compte qu'ils ne maîtrisent pas la Bible. Ah, c'est clair. Ils ne lisent pas la Bible. ils prennent des partis et qu'ils essaient de développer à leur faveur pour obtenir des gains. Ça, c'est sûr. Donc, l'une des choses, ou du moins l'une des leçons que nous devons tirer, nous, à notre niveau, c'est de prendre, apprendre le corps, la Bible, comme étant véritablement notre âme. Voilà. Nous devons dire, nous devons tout faire. Et ça c'est sans compromis. Hein. C'est vrai, avant, quand on était dans la domination, moi, j'étais catholique, mais ça peine que tu prends un livre complet de la Bible, que tu parcours. On te fait des brochures, là, de prières, où on te met des paroles que tu vas lire chaque jour, chaque jour, chaque jour. En fait, tu n'apprends rien. Donc, moi, je pense que on doit, frères et sœurs, prendre à bras le corps ce fait-là. On doit lire la Bible plusieurs fois, même si on le lit. Actuellement, les temps sont finis, hein. C'est clair, les temps sont finis. Les temps sont finis. Sinon ceux-là, eux-là, l'école, ils vont pour faire quoi? Voilà. C'est l'école pour aller, on les apprend seulement, uniquement comment on prend la dîme dans la main des fidèles, avec les offrandes, c'est tout. Parce que si on lit la Bible et qu'on a une première idée de la Bible, c'est bon. Et qu'on relise encore la Bible pour commencer à l'approfondir, vraiment, ça nous fait du bien. Parce que ces fidèles-là, ils ne lisent pas la Bible. Donc, quand on prend un passage, on le tord, on tord le cou de ce passage-là, il ne se retrouve pas. Puisque le prophète ou bien le pasteur prend la parole, il le développe comme il le veut. Ils sont là, ils sont assis. Mon frère, toi-même, tu viens de dire tout à l'heure qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas la Bible. Il va dire quoi aux fidèles? Non, c'est comme moi, ils sont en train de dire. C'est comme moi, ils sont en train de dire. C'est la leçon qu'on doit tirer de ce fait-là. Aujourd'hui, c'est vrai. On est sorti de cette dénomination, mais on doit, nous, à notre niveau, être vraiment aguerris. Dans la Bible, à Z. Plusieurs fois. C'est notre âme. Fred, demander, sois le bienvenu. Ferme ton micro. Il y a du bruit chez toi là. Voilà, donc moi je pense, moi c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, vraiment. Non, c'est que prenne sa Bible, qui commence à Z. Voilà. Et puis, si tu ne comprends pas, comme le frère Emma le dit, tu te mets à genoux, tu interroges le Seigneur, ou bien tu interroges un frère qui peut-être avec qui tu as discuté, qui peut donner une explication que tu puisses avancer. Voilà. Moi, amen. C'est mon point de vue. Amen. En tout cas, c'est ça. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit qu'aujourd'hui, l'héritage que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les villas, mais c'est sa parole. C'est sa parole qu'il nous a donnée. Il a dit dans la prière, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Voilà, aujourd'hui, on a besoin d'un nettoyage, d'une sanctification. Et c'est la parole qui sanctifie. Dans le destin de Dieu pour l'Église, il a dit quoi? Il dit, il va préparer devant lui une Église sans tache ni rite, mais sainte et irrépréhensible. Une Église parole, une épouse parole, une Église qui est faite avec la parole. Telle que la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'épouse aussi doit être un avec son Seigneur qui est le Christ, qui est la parole. Donc, l'Église que le Seigneur veut, c'est une épouse vraiment parole, une épouse qui est une avec la parole. Donc, ça veut dire que nous devons prendre à cœur cette parole-là que le Christ nous a laissée comme héritage. Demeurer dans cette parole-là, ne pas s'écarter dès ce iota de cette parole-là. Et c'est ce qu'il nous a laissé. Et c'est ça qui va nous former, c'est ça qui va nous perfectionner, c'est ça qui va nous amener à la maturité. Et avec cette parole-là, quand nous sommes ancrés dans cette parole-là, on peut vraiment réfuter les contradicteurs, on peut vraiment réfuter les ouvriers de l'Antiquité, les faux prophètes, les faux pasteurs. Quelque chose va venir te donner un enseignement erroné. Mais quand tu es dans la parole, tu te mets dans la parole du Seigneur là. La parole te permet de pouvoir réfuter moi, ces personnes-là, de pouvoir moi, leur montrer où ils sont dans l'erreur et leur dire qu'ils n'ont qu'à se répandre. Mais si tu n'as pas la parole en toi, si la parole de Dieu n'habite pas abondamment en toi, comment tu pourras arriver vraiment à porter moi, la contradiction contre ces personnes-là? C'est ça. La parole doit appliquer en nous de façon abondante. Parce que cette parole-là est une lumière non seulement qui nous conduit dans la sanctification, mais une épée aussi également, puisque la parole c'est l'épée de l'esprit. Donc c'est une épée également qui nous permet de combattre vraiment Satan et ses ruses et toutes ces personnes-là. Donc aujourd'hui, frère, comme le frère l'a dit tout à l'heure, l'heure est vraiment à la prise au sérieux de notre vie spirituelle. de notre vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, les temps sont finis, comme l'a dit le frère tout à l'heure, le frère là, pour l'espérance. Parce qu'aujourd'hui, on a, le notre bien-aimé frère Junior a posté une vidéo sur le groupe où il est question du fait que le pape a légalisé, chose comme ça, la pédophilie. Voilà, aujourd'hui, grave. Les enfants, tu vois, c'est grave. Tu vois, c'est grave, frère. Aller jusqu'à légaliser la pédophilie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos enfants sont à la merci des prédateurs sexuels. Non, de toute façon, eux-mêmes se marient pas. Donc, leurs femmes, c'est les enfants. Voilà. Non seulement ils ont imposé le célibat des prêtres, ils ont refusé les prêtres. Et maintenant, ils légalisent ce qu'on appelle la pédophilie. Tu vois, après avoir fini de légaliser complètement l'homosexualité, maintenant, c'est la pédophilie maintenant qui est légalisée. Où les enfants maintenant seront maintenant entre les mains des pervers sexuels. Des pervertis sexuels, ceux qui sont pervertis sur le plan sexuel. Donc, tout ça là, c'est les signes qui doivent nous interpeller, nous, en tant que croyants, pour dire que vraiment, les temps sont finis. Aujourd'hui, vraiment, c'est les choses. Et 20 ans, 30 ans en arrière, on ne voyait pas ces choses-là, n'est-ce pas, frère? On ne voit pas toutes ces choses, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et la légalisation de l'homosexualité, la pédophilie, le mariage avec les poupées sexuelles, toutes ces choses-là. 20 ans, 30 ans là, il n'y avait pas ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine dans ces choses-là. Nous sommes des témoins oculaires de ces choses-là. Donc, tout ça, en tant que croyants, en tant que les saints du Seigneur, ça doit vraiment nous interpeller pour dire, les frères, on doit vraiment prendre au sérieux notre marche avec le Seigneur. On doit prendre au sérieux notre communion avec le Seigneur. On doit prendre au sérieux vraiment notre communion avec les frères, les sœurs, mais dis-nous qu'on fait vraiment l'amour fraternel. Parce que notre marche, c'est une marche commune. Une marche, on a la même vision, on a la même espérance. Comme le dit Éphésiens chapitre 4. Maintenant, il faut qu'aussi, on doit prendre au sérieux aussi vraiment notre relation avec le Seigneur. Et de deux, on doit être ancré dans la parole pour que vraiment tout ce qui n'est pas conforme à la parole, tout ce qui est fausse doctrine, tout ce qui est doctrine des démons, tout cela, nous puissions être capables de pouvoir les dénoncer ces choses-là et de pouvoir vraiment rejeter ces choses-là afin que vraiment on ne soit pas vraiment empoisonné par ces choses-là. La Bible nous dit qu'on ne doit pas suivre des doctrines diverses et étrangères. On doit demeurer vraiment dans la sainte doctrine qui est la doctrine des apôtres. Parce que c'est cette sainte doctrine que le Christ nous a donnée là qui va nous amener à la maturité spirituelle pour qu'on puisse être enlevé. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est ça, frère. Il faut comprendre aussi notre vie spirituelle. Donc voici un peu moi ce que je peux dire par rapport à ça. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse vraiment. Ouais. Oui, oui, oui, mon frère. Ah, t'as déjà lu toute la Bible. C'est que si je suis dedans, frère. mais raconte ton expérience. Comment tu es arrangé pour pouvoir lire? Il faut nous dire un peu comment est-ce que tu es parvenu à pouvoir arriver jusque-là, à lire cette Bible-là. Toi, je veux dire, tu es un ancien, donc tu peux partager un peu ton expérience par rapport à ça. Bon, c'est la méditation, c'est ce que tu nous as donné. Et nous a prescrit, nous devons méditer la parole. Bon, moi, me concernant, bon, j'ai lu souvent la Bible, j'ai lu vraiment les Écritures, que ce soit mais tu as lu toute la Bible, tu as déjà lu de A à Z. Bon, je n'ai pas tout lu, mais je suis dessus, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Très bien, et toi? Pas tout, voilà. On est toujours au stade de la pensée. Franchement, il faut dire que bon, c'est avec les enseignements de Frère Junior que je parcours maintenant la Bible un peu partout. Mais c'est la dernière fois que la fois passée que j'ai commencé par le livre de la Genèse, bon, je viens de le finir. Donc, je n'ai pas vraiment du tout avancé, mais je continue par la grâce de Dieu. Je n'avais pas eu l'idée de lire la Bible du début Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'avais pas eu cette idée. Donc, c'est au fur et à mesure que je suis les enseignements, les versets qu'il dit, là, je prends un verset, je le lis, peut-être avec tout le chapitre, ça me permet de parcourir le chapitre. Donc, je n'ai pas lu la Bible. C'est la dernière fois que j'ai fini de lire le livre de la Genèse. Mais je continue, par la grâce de Dieu. Ce que je peux dire aussi concernant mon expérience aussi, c'est que en fait, souvent, moi j'écoute beaucoup les enseignements de notre bien-aimé frère Junior, et souvent quand j'écoute ces enseignements, c'est avec la Bible à l'appui. C'est-à-dire que c'est comme si je me sens dans la réunion. Voilà, donc ils donnent les versets, ils donnent les passages, et puis bon, au moins l'assemblée, les bien-aimés soit au Cameroun, bien, six fois il a peut-être en contact avec les frères au travers du monde entier, les passages qu'ils donnent, et qu'au moins les frères lisent ces passages-là, moi aussi j'ai la Bible avec moi, et puis je suis aussi, c'est comme si je me sens dans la réunion. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a aussi beaucoup aidé en ce qui concerne vraiment, la connaissance vraiment de la parole de Dieu. Voilà, et c'est un verset de des Écritures, qui est tant au niveau de l'Ancien Testament qu'au niveau du Nouveau Testament. Donc c'est comme ça que je possède quoi. Amen. C'est vrai. Il faut dire que moi aussi, c'est d'ailleurs, quand tu suis les enseignements, tu as la Bible avec toi, tu suis les enseignements avec les Écritures, avec la Bible en main. Oui, frère Jacques, tu parlais là. Les enseignements que j'ai suivis là, c'est comme ça. Tu prends la Bible, et tu écoutes les enseignements et tu vérifies en même temps les versets bibliques. Ça te permet de lire aussi la parole de Dieu, quoi. Voilà. Amen. Ouais. Amen. C'est vrai. Et puis, ça nous a encouragés. Les enseignements du frère Union nous ont beaucoup encouragés. Ça m'a beaucoup vraiment aidé. Parce que c'est ça qui a fait que j'ai téléchargé presque tout. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je n'aurai pas accès à Internet pour qu'on dise que bon. Maintenant, pour les chrétiens, on ne peut plus du tout, donc on vous coupe Internet. Donc, je me suis débrouillé à avoir les enseignements sur les sites. Pour les écouter à la maison, c'est mieux comme ça. Quand tu me dis ça, vraiment, il faut dire que depuis que j'ai découvert le site là, j'ai l'impression que c'est mon dernier point. Je ne peux plus encore dire que je vais chercher ailleurs découvrir la parole de Dieu. Ça me va comme ça. J'ai tout découvert. Bon, s'il vous plaît. Allô, moi j'ai aimé. Frère, pour l'expérience. Oui. Ah bon, je vois notre bien-aimé frère Junior connecté là. Je ne sais pas si on peut lui souhaiter la bienvenue et puis lui demander les nouvelles. C'est vrai. Oui, vas-y. Allô, notre bien-aimé frère Junior. Bonsoir, frère. Bonsoir, Côte d'Ivoire dans la sainteté. Amen. Amen. Je vous écoute. Bonsoir, mon frère. Oui, mais je ne vous vois pas. Ouvrez les caméras. Je vous écoute avec en savourant c'est tout ce que vous dites. Donc, je suis attentif à tout ce que vous faites. D'accord. Amen. Donc, on va ouvrir les caméras. Alors. Non, continuez. Bon. Ouvrez les caméras, mais continuez. Je vous suis. Après, on va continuer ensemble. Donc, je suis à votre service. Amen. Continuez comme je ne suis pas là. D'accord. Frère Moura. Oui, allô? Oui, mon frère. Moi, oui. J'aimerais envoyer. J'aimerais souligner un sujet pour qu'on puisse en débattre. Parce que c'est très important. C'est de faire un peu le bilan depuis que nous avons rencontré notre frère que le Seigneur a envoyé parmi nous. Que chacun essaie un peu de faire son bilan pour voir est-ce que depuis qu'on a rencontré, qu'on a commencé à écouter les enseignements, est-ce que notre vie a bougé? Où en sommes-nous depuis que nous avons commencé, que nous avons connu le frère, avec les enseignements que nous avons écoutés, avec tous les conseils qu'il nous a donnés? Est-ce que notre vie a bougé? J'aimerais que chacun de nous partage un peu notre expérience par rapport à tout ça pour voir à quel niveau nous en sommes. Amen. Voilà, donc j'aimerais qu'on fasse ça pour voir à quel niveau nous en sommes. Est-ce que notre vie a bougé depuis que nous avons rencontré les enseignements? Quand nous les écoutons, est-ce que ça change quelque chose en nous? Où en sommes-nous? Amen. Amen. Mais il faut dire que franchement, à mon niveau, j'ai beaucoup bougé. Les lignes ont bougé. J'étais très nerveux, surtout envers ma femme, on se querelle chaque jour. On se querelle régulièrement. Donc avec les enseignements que nous suivons, ça fait déjà près d'un an, plus d'un an que j'ai découvert le site et je suis à l'enseignement avec les méditations. Il faut dire que franchement, ça a beaucoup chamboulé et ça continue de chambouler les choses dans ma vie. La femme même peut en témoigner parce qu'il n'y a pas un moment quand on commence une discussion entre nous deux, il faut dire que la discussion peut commencer à 19h, on finira vers 1h, 2h du matin. Parce que personne ne peut accepter qu'il ait tort. Et moi, je veux toujours imposer ce que je veux. Mais il faut dire qu'avec les enseignements là, j'ai toujours été vraiment. On ne parle plus beaucoup comme ça. Les choses ont changé, plus pas l'essentiel. Donc on parle vraiment normalement, tout va très bien. Et même dans la vie pratique, ça continue. Et la parole continue de nous travailler. Et ça va beaucoup s'améliorer. Ça va s'améliorer par la grâce de Dieu. Et puis il faut lui dire que ma femme de son côté également, le changement qui a eu lieu, il faut dire que je ne peux pas beaucoup trop parler, mais c'est trop grand. Amen. C'est trop grand. Parce que épouser une femme qui avait une autre culture et vivre aujourd'hui dans une autre religion, toi tu vas chercher à lui imposer les choses alors qu'il n'avait pas appris ça de là. Et vous allez rester comme ça. C'est ça qui a fait qu'il y a tellement de problèmes. Mais finalement, avec les enseignements que nous écoutons ensemble, les exhortations, il faut dire que le changement qui a lieu, je ne pouvais pas espérer mieux. Que Dieu peut vraiment continuer de nous aider et de nous bénir. Qu'il nous bénisse beaucoup. C'est très bon. Amen. Amen. Amen. Oui, Max, pour parler, c'est que tu as beaucoup à dire. Ah, moi, il y a beaucoup à dire. En tout cas, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je rends gloire à Dieu pour cela. Beaucoup même. Avant, c'était le désordre dans ma vie. Mais quand j'ai croisé le frère Junior, je me suis séparé de beaucoup de choses. Hein. Beaucoup même. C'est pas maintenant, je vais parler. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, en tout cas, le Seigneur est merveilleux. Amen. Il faut reconnaître que effectivement les enseignements du frère Junior, en tout cas moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi, vraiment avant de faire la connaissance du frère, en tout cas moi, j'étais dans une organisation, dans une dénomination, mais une dénomination un peu particulière. C'est-à-dire qu'une dénomination qui condamnait aussi les organisations, mais qui était aussi une dénomination, une organisation. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle un leader qui était à la tête. Voilà, un leader qui était à la tête, et puis vraiment, on était soumis par des statuts et règlements intérieurs, tout ça. Il y avait certains enseignements qui étaient donnés, tout ça là. Bon, moi, j'étais dans l'organisation, je vois ces enseignements-là, voilà. Mais quand je suis rentré en contact avec les enseignements de notre bien-aimé Junior, ça m'a ouvert l'esprit. Et ça m'a permis vraiment de comprendre que vraiment, ce qu'on m'enseignait là-bas, vraiment n'était pas tout ça. Ça m'a permis vraiment de pouvoir regarder avec un œil sérieux c'est les enseignements que je recevais de l'autre côté. Et j'ai vu que vraiment c'était pas vraiment ça. Tu vois. Et il fallait vraiment faire les ajustements au niveau vraiment de ces choses-là. Et ça m'a permis de faire ces ajustements-là. Et ça m'a même permis vraiment de sortir vraiment de la dénomination auquel vraiment j'étais attaché. Voilà. Et au niveau aussi de la vie, de ma vie personnelle aussi, il y a eu vraiment beaucoup de changements. Parce que où j'étais là-bas, de l'autre côté, bon, on mettait beaucoup l'accent sur les enseignements. Quoique les enseignements n'étaient pas trop ça, il y avait un peu de vérité, un peu de mensonge. C'est toujours comme ça, même à l'église catholique, il y a un peu de vérité, il y a un peu de mensonge. Donc partout, dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle nation, les enseignements qui sont donnés, il y a un peu de vérité, un peu de mensonge. Un peu comme dit les Écritures, un peu par-ci, un peu par-là, tu vois. Donc c'est la même chose. Donc, mais les enseignements que je recevais là-bas, n'avaient pas un impact sur ma vie. C'est pas ce que vous appelez les frères. Voilà, c'est voilà. Vrai qu'on recevait les enseignements. Et là-bas, on mettait l'accent sur les enseignements. Parce qu'on nous a fait comprendre que les enseignements, c'est une lumière. Et c'est ça qui va nous enlever. Ouais, c'est ça qui va nous enlever. Donc, il faut mettre l'accent sur les enseignements. Alors que, on doit mettre l'accent sur la personne de Jésus. Tu vois, c'est Jésus qui va. cela. C'est pas l'accumulation, c'est pas l'accumulation de la connaissance qui va en devenir une personne. On peut accumuler la connaissance de la connaissance, mais s'il n'y a pas vraiment une, si cette connaissance n'en a pas vraiment un impact sur ta vie spirituelle, si moi ta vie spirituelle n'est pas conforme comme ça, à choses comme ça, au principe du Seigneur, c'est pas sûr que tu seras enlevé, malgré que tu as vraiment une tête remplie d'enseignement. Mais la frère, on ne pas. Est-ce que ces enseignements-là étaient, je veux dire, soutenus par la parole de Dieu? C'est ce que Saint-Élie dit. C'est l'enseignement que je recevais là-bas. Il y avait quelques. Bon, c'est quand j'ai reçu la lumière, la vérité avec les choses, l'enseignement du frère Junior, c'est là qu'il a découvert que vraiment, il y a certaines choses qui étaient enseignées là-bas qui n'étaient pas conformes aux écritures. Sinon, quand j'étais là-bas, que je n'avais pas encore, j'étais pas encore rentré en contact avec l'enseignement du frère Junior, je croyais que c'était la vérité. Je croyais que vraiment, j'étais dans la vérité. Je sais pas si vous comprenez un peu. Sinon, là-bas, par exemple, il y avait la notion de leader. Leader, mais il était appelé l'étoile. C'est-à-dire que l'étoile, parce que, on dit, c'était l'étoile. C'était moi celui qui était le conducteur. Donc, il s'est présenté comme le Josué de notre temps. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est le Josué de notre temps. Et bien, voilà. Donc, il y avait l'enseignement qui véhiculait dans l'église comme quoi, de la même manière que Josué a conduit le peuple d'Israël à la terre promise à Canaan, de même aussi, au temps de la fin, Dieu a suscité un Josué. Et ce Josué de notre temps-là, c'était notre leader, celui qui était au devant de nous. Oui. Donc c'est lui qui était là, c'est lui qui devait nous conduire à l'enlèvement. Donc moi je croyais à ça, puisque j'étais dit ça. Mais voilà, moi j'ai fait comme un frère. C'est vraiment difficile. Voilà. Et non seulement ça, il y avait, on croyait en fait. Tenez-vous bien les frères, on croyait vraiment à la doctrine de la polygamie. Et que vraiment, on peut tirer. Voilà, on s'appuie sur le moment. C'est pas la Bible. Ah, oui, c'est ce que tu dis là. Puisque toutes les fausses doctrines sont de la Bible, on s'appuie sur le passage de 1 Timothée, chapitre 2 là-bas, où les questions de 1 Timothée, chapitre 3. Chapitre 3 de Timothée, où l'apôtre Paul parle de, comme ça, de l'établissement des anciens. Et il est dit ici dans l'apôtre Paul que. Alors, il y a du bruit par. Oui, parfaitement, oui. Voilà. Donc, le Timothée, chapitre 3, dit que pour établir un ancien, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Donc, on s'appuie sur ce passage pour dire que bon, donc c'est uniquement les anciens qui devaient être monogames. Donc, si toi, tu ne veux pas être ancien, tu as le droit de prendre 3 femmes, voire 4 femmes. Et effectivement, il y avait dans la communauté des gens qui étaient mariés à 8 femmes. Ouais. Il y avait des gens qui étaient mariés à 8 femmes, d'autres étaient mariés à 5 femmes, 3 femmes. Et les gens se divorçaient, se remariaient, Et dans la communauté, c'est-à-dire que si tu ne voulais plus d'une sœur, tu pouvais la répudier. Tu pouvais la répudier. Et puis prendre une autre femme. Donc il y avait vraiment ces deux ans-là qui régnaient là-bas. Vous voyez, frère. Et on enseigne aussi la dîme. On dit que la dîme, effectivement. Et tenez-vous bien, les frères. Ce n'était pas une seule dîme qui était enseignée là-bas. Là-bas, c'était 4 dîmes qui étaient enseignées là-bas. Oui, si tu as de 100 000 francs, tu as de 40 000 francs. Hein? Tu as 40 000 francs, et les 40 000 francs, c'est la dîme. Et la dîme ne reste pas dans la localité, ça va directement chez les leaders là-bas. C'est-à-dire que le leader avait son staff. C'est lui qui était le leader de l'étoile. Il avait, comme son père, ses collaborateurs qui étaient autour de lui, qu'on appelait un groupe restreint. Le groupe, on l'appelle JR, groupe restreint. C'est eux qui étaient, en fait, les conducteurs de l'église. Donc, les dîmes des différentes églises devaient aller là-bas. C'est eux qui géraient vraiment toutes ces choses-là. Et c'était pas seulement une seule dîme qui devait être payée, c'était 4 dîmes. Je suis appuyé sur vraiment les thèses de Moïse, là, où il y a la dîme du Lévite, la dîme de la dîme de la dîme, la dîme de tant, tant, tant. Donc, c'était un nombre de 4. C'est 4 dîmes-là. Tu vois, donc, il y avait ces jeunes d'enseignement-là qui étaient là. Voilà. Donc, on était dedans, bon, on suivait ça, bon. Parce qu'on se disait qu'on était dans la vérité. Et la particularité de cette communauté-là, on condamne les autres aussi. Un peu comme le cas de Kakou Philippe. Kakou Philippe s'est dit de la vérité. Il condamne les catholiques, il condamne les protestants, et il condamne vraiment les églises évangéliques. Alors que lui-même, il est dans l'erreur aussi. Donc c'était un peu comme ça. On était on disait qu'on était dans la vérité. Donc on voit un catholique, on se moque de lui, on le condamne. On dit, lui va en enfer. Quand on voit un protestant, lui, ça roule, c'est pour l'enfer direct. Donc nous, c'est ce qu'on était dans la vérité et que c'est nous ceux que Dieu connaissait dans à travers le monde entier, c'est nous ceux qui sommes le peuple de Dieu. Et que donc, Dieu, c'est ce que tu as dit au moment, le royaume de Dieu sera enlevé à Israël, sera donné à une autre nation. Donc, cette nation dont c'était question, c'était la nation qui était la Côte d'Ivoire. Donc, on se disait que Dieu avait choisi la Côte d'Ivoire et c'était en Côte d'Ivoire qu'il devait avoir l'enlèvement. Donc, il y avait tous ces doctrines-là qui circulaient et on croyait à ces enseignements-là. Parce qu'on dit que moi, c'était en Côte d'Ivoire que Dieu avait parti le réveil et que le réveil allait commencer en Côte d'Ivoire et ça allait prendre le monde entier. Et que vraiment l'enlèvement devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et que comme l'apôtre dit clairement que les morts qui vont ressusciter premièrement, et nous les vivants ensemble, on va se joindre à eux. Donc ça dit que c'est en Côte d'Ivoire, au moins il va avoir l'enlèvement. Les apôtres Paul, les Pierre, tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, et tous vont venir en Côte d'Ivoire. Ils vont ressusciter, ils vont venir en Côte d'Ivoire, et puis ils vont se joindre à nous, et puis ensemble on va partir pour l'enlèvement. Donc, c'est ce premier-là qui était là. Vous voyez, les frères. Donc, bon, on croyait à ça. Et Dieu m'a fait grâce. De rentrer en contact avec l'enseignement du frère Junior. Et je pense que c'est de façon providentielle que le Seigneur m'a mis en contact avec l'enseignement du frère Junior. Pourquoi? Parce que il y avait mon fils qui avait été séduit par les enseignements de Kakou Philippe. Donc il avait été séduit par les enseignements de Kakou Philippe et maintenant chaque fois il parlait de Kakou Philippe. Oui. Mais j'ai dit, monsieur, c'est qui est ce Kakou Philippe là? Donc il faut que je puisse savoir qui est ce homme-là. Donc j'ai commencé à aller sur le net pour voir qui est cet homme-là qu'on appelle Kakou Philippe. Et c'est dans mes recherches-là que je suis tombé sur le premier enseignement du frère Junior sur lequel je suis tombé. C'était un enseignement qui parlait des hérésies de Kakou Philippe et de ses esclaves. Je ne sais pas si vous rappelez de cet enseignement-là. Les hérésies, l'enseignement était intitulé « Les hérésies », c'était je crois trois parties. Les hérésies de Kakou Philippe et de ses esclaves. Donc le frère Junior a apporté vraiment la lumière sur ce monsieur-là, ce qu'il prêche. Et vraiment, combien de fois vraiment ce monsieur-là, vraiment, il a dévié, tout ça, etc., etc. Donc, quand j'ai écouté pour la première fois l'enseignement, frère, je vous dis, j'ai dit, ce monsieur-là qui a été, ce frère-là qui a été le prêcher, là, ça, c'est serviteur authentique du Seigneur. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire, de façon intuitive, j'ai aussi vraiment cette, c'est-à-dire que c'est dans mon cœur, quoi, cette voix-là vient de mon cœur, pour dire, ça, c'est vraiment un serviteur authentique du Seigneur. Donc, et puis bon, ça m'a, c'est-à-dire que j'ai commencé à aimer vraiment l'enseignement. Donc, je me suis dit, ah, il faut que vraiment je vois si vraiment il y a encore d'autres enseignements qui sont prêchés par ce serviteur de Dieu là. Donc j'ai commencé à fouiller, puis j'ai vu Bamba Iba. Donc je suis allé sur YouTube et tapé Bamba Iba et les enseignements commençaient à sortir. Au début, les enseignements qui sortaient, on écrivait simplement, on mettait une couleur unique, et puis on mettait l'enseignement. Je ne sais pas si vous rappelez les anciens enseignements là. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai commencé à voir sanctification de la femme. Et choses comme ça, la seule fête chrétienne. Bon, donc j'ai commencé à dévorer ces enseignements-là. Et ça fait que vraiment, je ne quittais plus ces enseignements-là. Donc chaque jour, je suis dans l'esprit. Et ça commençait vraiment à m'ouvrir l'esprit, à comprendre beaucoup de choses, à savoir que vraiment, ce que je recevais comme enseignement là-bas n'était pas vraiment dans la parole de Dieu, n'était pas vraiment conforme à la parole de Dieu. Parce que les gens m'ont commencé même à dévier. Les gens commencent à dévier, ça m'a conforté dans ma position. Pourquoi? Parce que les gens commencent à dire clairement que on doit maintenant commencer à s'habiller en robe. Et que dans la vision d'Ésaïe chapitre 6 là-bas, le prophète Ésaïe a vu le Seigneur, l'Éternel, qui était assis sur son trône, et le pan de sa robe vraiment couvert toute, c'est pas quoi là. Dans la vision d'Ésaïe chapitre 6, je sais pas si vous vous rappelez plus de ce passage là, Ésaïe chapitre 6. Donc dans cette vision du prophète là, on voit le Seigneur qui est assis sur son trône avec vraiment habillé en robe. Donc les gens se sont appuyés sur ce passage pour dire que bon, on doit vraiment s'habiller en robe et que vraiment, on ne peut pas vraiment adorer le Seigneur sans avoir un vêtement d'adoration. Donc, il faut forcément avoir un vêtement d'adoration pour pouvoir adorer le Seigneur. Un peu comme ça s'est fait autant dans le judaïsme. La palette dont Aaron s'habillait, elle avait un vêtement spécial pour adorer, pour faire le service dans le tabernacle. Donc, c'était la même chose. D'ailleurs, on commençait à enseigner vraiment, il faut s'habiller en robe. Il faut commencer à parler l'hébreu, la langue hébraïque, parce qu'on dit que vraiment c'est l'hébreu maintenant qui est la langue originale. Donc on va commencer à parler l'hébreu, on doit retourner comme ça au nom originaux de la Bible. Et on ne doit plus dire Jésus, on doit dire Yeshua, on ne doit plus dire Jacob, on doit dire Jacob, on ne doit plus dire en fait Moïse, on doit dire Moshe. Donc ils ont commencé à donner ces enseignements-là. Moi je ne me retrouvais pas nécessairement. Et j'étais en contact avec l'enseignement du frère Junior et j'ai vu que vraiment, je ne me retrouvais pas vraiment, j'ai vu que vraiment, là où je suis là, le lieu dans lequel j'ai là, c'est pas ma place. Vous voyez, la prière, on doit vraiment avoir des recueils de prières, on doit vraiment faire des récitations et pour prier, tu dois faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Bon, vraiment, c'était des choses, j'ai vu que vraiment, ça n'avait rien à voir avec la parole et je suis sorti de là. Et quand je suis sorti de là, bon, avec quelques fois aussi qui sont sortis de là aussi, qui ont découvert que vraiment, ce qui était là-bas n'était pas conforme et on a commencé finalement avec les enseignements du Frère Junior. Il y a eu ce qu'on fait, ce nettoyage-là. Ça m'a vraiment beaucoup aidé les frères. Et aussi au niveau de ma vie spirituelle aussi, vraiment, il y a eu beaucoup moins de choses. Parce que là-bas, on n'enseignait pas vraiment le péché. Comment il faut vraiment être délivré du péché, comment faire vivre de la vie spirituelle. Tout ça, c'était pas tout enseigné là-bas. On ne mettait pas l'accent sur le Saint-Esprit. Vous voyez? On ne mettait pas l'accent sur le Saint-Esprit. Voilà. Donc, tout ça, ça faisait qu'on était dans le péché, on vivait dans le péché, les conducteurs même étaient dans le péché, les gens sont avec les femmes, les conducteurs qui ont des copines, qui sont mariées, mais qui ont des maîtresses, tout ça. Voilà. Et il y a des conducteurs même qui amènent les maîtresses même sur le lit conjugal. Il y a toutes ces choses-là. Donc, vraiment, c'était vraiment la boue. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a délivré de cette situation-là. Et vraiment, j'ai rendu grâce au Seigneur qu'aujourd'hui, vraiment, ma vie spirituelle vraiment a connu vraiment ce qu'on fait un élan. Et en tout cas, par la grâce de Dieu, vraiment, ça va. Je me retrouve spirituellement. Donc, voici un peu mon témoignage que je voulais partager. Amen. Amen. Ça, c'est très bénéfique. Ah. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu, hein, parce que pour le bien, le Seigneur a opéré un grand voyage. Moi, à mon niveau, ça, j'étais un catéchiste très plongé dans le catholicisme. Mais je pense que quand le temps de Dieu a sonné, ça a vraiment sonné. J'ai entendu la voix et je me suis approché à cette voix-là. Le nettoyage est en cours. Même si ce n'est pas encore parfait, on continue toujours le nettoyage. Je vous dis que depuis que, comme vous, hein, depuis qu'on a rencontré notre précieux frère, en tout cas, les choses ont commencé à bouger. Aujourd'hui, je me sens libre dans ma tête. Avant, je me sentais obligé d'aller à l'église. Je vais m'asseoir, le Seigneur soit avec vous, tu sais ce qu'on va dire, tu sais par quoi ça va finir. Et tu es obligé de parcourir des kilomètres pour aller te mettre dans une église où on ne t'enseigne rien, où tu vas avec tes problèmes et où tu reçois avec tes problèmes. Vous voyez. Donc, avec les enseignements, en tout cas, moi, je me suis senti libéré d'une série de chaînes pas possible. Parce que c'était comme des rituels qu'il fallait faire. Pour ce jour-là, la science. Il faut faire, je vous salue Marie, il faut faire notre Père, il faut chaque dimanche aller à l'église. Bon, moi, et donc, avec les enseignements, moi, un voyage, ça commence à se faire. Et aujourd'hui, je vous dis, par la grâce de Dieu, je suis en train de lire un peu la Bible, chose que je n'ai jamais faite en tant que catéchiste. Voilà, les enseignements, quand je les écoute, vraiment, ça me libère. C'est-à-dire, les idées que j'avais n'étaient pas bonnes. Les pensées que j'avais n'étaient pas bonnes. Toutes les pensées là sont renouvelées par la parole et par les enseignements que nous écoutons. Ma femme et moi, nous faisons concurrence. Elle est déjà très avancée dans la lecture de la parole de Dieu. Elle a déjà presque fini. Donc, ça veut dire que vraiment, depuis que nous avons rencontré notre frère, les choses avancent. Donc, celui qui va avancer, les choses avancent. Amen. Ça doit avancer, frères et sœurs. Ça doit avancer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une horloge vivante au milieu de nous. Nous avons une horloge vivante au milieu de nous. Cette horloge. Allô? C'est même chose. Allô? Oui, allô, on t'attend. Il y a du bruit qui quelque part là. C'est pas si c'est le foyer ou Jules. Voilà, donc comme je le disais. Moi, j'ai un problème avec. Donc aujourd'hui, qui là, dans ce palais, c'est qui Maloché? Et nous. Dans le foyer, il y a Jules, il a un problème de condition. Allô? Allô? Oui, il disait que. Qui parle? C'est le frère Yahoo Jita Bobo. Il a mal à Christine. Allô? Allez. Continue, frère. Voilà, donc, comme je le disais, nous avons une horloge vivante au milieu de nous et nous devons faire en sorte que Nous devons faire en sorte d'être dans le temps. Nous devons être dans le temps, frères et sœurs. Nous sommes amen, amen. Dans la dispensation de la septième église, l'église de Laodicée. Et c'est après cette dispensation-là que l'enlèvement aura lieu. Amen. Nous ne perdons pas de vue cela. Et cette horloge vivante-là, nous l'avons au milieu de nous. Et cette horloge-là nous parle chaque jour dans les enseignements. Amen. Donc, on a à cœur vraiment ces enseignements. Moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je me sens libre, libéré de toute chaîne, de toute pensée captive qui était en moi. Et vraiment, amen. Ça fait du bien, frères et sœurs, ça fait du bien. Nous devons faire des efforts. Chaque jour qui passe, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous avons fait un pas de plus en avant? En tout cas, moi, je rends grâce à Dieu. Moi et ma femme, vraiment, le Seigneur nous fait grâce. Dans cette nouveauté de vie que nous avons engagée. Vraiment, chaque jour, il n'y a pas un jour qui passe sans que nous écoutions un enseignement. Il n'y a pas un jour qui passe sans que nous discutions d'un passage de la Bible. Chose qui était totalement impossible avant. Elle était évangéliquement, elle était catholique. Donc, il y avait toujours des disputes. Avant de dormir, on prend un passage, on lit. Quand on lit, elle donne son interprétation, moi je donne mon interprétation, voilà, par là. Donc on dort à coups tirés. Et la nuit, voilà, voilà. Donc tout ça, c'est fini maintenant, frères et sœurs. Amen, amen. Vraiment. Amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Voilà quoi. Amen. Ça, c'est édifiant. On a le frère Diomandé qui est là, je ne sais pas si nous entend. Allô, frère Diomandé. Je pense que c'est le frère Yao. Hein? Il n'a pas le frère Yao par hasard. Non, il y a le frère Diomandé qui est là. Il y a le frère aussi Yao qui est là. Voilà, c'est le frère Yao qui est là. Je vous suis. Il y a un problème de connexion ici, donc j'ai activé seulement que le son. D'accord. Amen. Donc, ok, donc tu as la parole maintenant. Comme on a entendu ta voix là, tu as la parole. Ah, d'accord. Sinon, j'ai écouté l'intervention de chacun d'entre vous. Bon, je vous ai pris un coup. Hein. Et j'écoutais le frère Angoran parler de comment il a rencontré le frère Junior, ce qu'il a traversé. On sait comment il peut ajouter que le frère Junior, c'est quelqu'un que le Seigneur a mis sur notre chemin pour pouvoir mieux se focaliser sur la parole. Moi, je pense quoi. Amen. Frère, amen. Le Seigneur lui donne une grâce. Il est un grand frère dans la foi. Donc, nous aussi, quelque part aussi, on doit grandir. Donc, chacun de son côté, doit nécessairement vraiment prendre la parole du Seigneur vraiment à cœur, se focaliser sur la parole, prier le Seigneur pour vraiment atteindre un certain niveau, pour que vraiment on ait aussi, entre guillemets, des petits frères spirituels. C'est ce que je peux dire, quoi. Amen. Mais est-ce que, pas à ton niveau, est-ce que tu as senti que les choses ont bougé depuis que tu écoutes tes enseignements? Est-ce que les choses ont bougé? Est-ce que ça va, ta vie avant, en fait, maintenant? En fait, ce que je veux dire, que les enseignements du frère Junior, ça, moi, personnellement, ça dissipe beaucoup de doutes que j'avais en moi. Mm-hmm. Parce que c'est comme si, quelque part, je savais quelque chose, mais je ne sais pas comment. Est-ce que je me disais, est-ce que quelqu'un aussi comprend comme je comprends, là? Parce que le Seigneur peut te parler, mais une façon un peu, je peux dire, bon, allez, parce que tu n'as pas encore une certaine connaissance. Donc, il va te faire des choses peut-être imagées, te faire comprendre des choses de façon imagée. Mm-hmm. Maintenant, quelqu'un va te dire, il va te dire, bon, selon la parole, voilà comment ça est. Donc, oui, souvent, il y a des choses que j'ai compris en écoutant les enseignements du Foyer. Mais je savais certaines choses, mais je n'avais pas envie de information. Mais ça peut arriver à vie. Est-ce qu'il y avait... Frère Thierry, sois le bienvenu. Ferme ton micro, s'il te plaît, frère Thierry. Il y a du bruit chez toi, avec ton micro. Vraiment, on a du chemin. La Côte d'Ivoire, dans la société, on a beaucoup de chemin. Parce que c'est pas le fait de bien commencer, hein. C'est pour pouvoir tenir dedans. Parce que la parole de Dieu, là, c'est vraiment, c'est pas facile. Plus tu vas en profondeur, plus il y a des combats qui sont plus rudes que tu dois mener. Donc vraiment, que le Seigneur nous donne la force. Amen. Parce que le chemin est Amen. Vraiment, c'est ce que tu peux arriver. Donc, merci. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci. Amen. Amen. Donc, continue. Mais j'ai une préoccupation, je ne sais pas si je peux la poser. Bon, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il va apporter aussi une réponse à ça aussi. Mais vas-y. Bon, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je ne sais pas si c'est le frère Thierry là. Frère Thierry. Oui. Ouais, ferme ton micro s'il te plaît, il y a du bruit chez toi là. Allô? Oui, vas-y. Allô, ça va. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, où j'étais de l'autre côté, les gens se sont appuyés sur le passage de H chapitre 4, je crois que c'est H chapitre 4, oui, pour faire en fait les recueils de prières. Les prières sous forme de recueils qu'on récite. C'est les que l'Assemblée récite. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se sont appuyés sur ce passage-là. Ils disent que lorsque l'apôtre Pierre et puis l'apôtre Jean, je crois que c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui sont du paralytique qui était assis devant la porte, appelé la belle. Donc après la guérison de ce paralytique, l'apôtre Pierre a prêché l'évangile et maintenant ils ont été convoqués par le Sanhédrin. Après le fait qu'on les a menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus, ils sont retenus voir les frères qui étaient rassemblés. Et lorsqu'ils ont fini de raconter vraiment cela, on dit qu'ensemble, on dit tous ensemble, ils ont élevé la voix vers le Seigneur et ils ont prié. Maintenant, les gens apportent comme argument que si l'apôtre, expliquez, c'est Luc qui a écrit l'évangile, les choses comme ça, à des apôtres qui a été écrit par Luc le médecin. Donc les gens disent que si Luc a pu avoir une copie de cette prière-là, c'est que vraiment cette prière-là n'était pas une prière, c'était une prière vraiment qui avait été écrite d'avance et les gens ont fait que réciter cette prière-là. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Oui. Allô, les frères. Oui. Ensemble, ils ont élevé la voix tous ensemble et ils ont répété en fait les mêmes paroles. Voilà. Et voilà. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Pilate et son saint, ce sont Pilate et comme ça, Pilate et autres se sont ligués contre ton saint pour faire ce que ta mère avait arrêté d'avance et ta mère, ton conseil avait arrêté d'avance, etc., etc. Donc, le fait que les gens ont prié ensemble, donc les gens disent que non, que en fait, c'est parce qu'ils avaient la prière était écrite. La prière est écrite et c'est toute l'assemblée qui a décidé cette prière-là ensemble. Et ça fait que la chose comme ça, le médecin Luc avait une copie de cette prière-là. Et c'est ce que cette copie-là qu'il a relaté dans H chapitre 4. Donc c'est sur cette base-là, les gars sont appuyés pour dire que non, que en fait, c'est normal qu'on ait des prières, des recueils de prières que l'assemblée peut réciter. Voilà, donc voici un peu chose, ce truc-là. Maintenant, c'était pour avoir une lumière par rapport à ce passage-là. Est-ce que vraiment, en réalité, nos frères qui étaient là au premier siècle avaient vraiment chose. Bon, ils avaient vraiment ce qu'on fait une prière qui était établie, qui était comme ça écrit sur une feuille qu'il fallait réciter. Et ensemble les mêmes paroles. Alors qu'on sait que dans les assemblées qu'on prie ensemble, même si on a prié ensemble, c'est pas les mêmes paroles qu'on répète. C'est ça, ce qu'on peut être vrai. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le sujet dans le cœur et on libère ce sujet-là, on libère ce fardeau-là par la prière. Mais les mots sont articulés par les uns et les autres. Ce n'est pas les mêmes mots qui sont articulés par les uns et les autres. Mais alors que dans ce cas-là, on dit qu'ils ont prié ensemble et ils ont répété les mêmes paroles. Tu vois, donc là aussi, c'est un peu ce cas-là qui fait qu'il y a certains qui vont s'appuyer sur ça, qui dit que non, on peut écrire des prières pour les réciter dans les assemblées. Donc, bon, je ne sais pas si, comment vous l'avez fait. Les capitalistes, ils ont plein de prières qu'ils apprennent par cœur, donc dans les assemblées de prières, là, ils les récitent tous ensemble comme une dictée. Mais là, je ne sais pas, après, comment on comprend ce passage-là? Comment on comprend ce passage de H4-là? Il faut dire que ce passage m'a beaucoup troublé à un moment donné. Voilà. Mais arrivé à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est comme lorsque nous nous rassemblons et il faut quelqu'un pour faire la prière. Donc on finit, peut-être on prie ensemble, mais maintenant après avoir prié ensemble, il y a quelqu'un maintenant qui clôture, qui clôture la prière. Et je me suis dit que si c'est dans ce cas, ça veut dire que finalement, lorsque les disciples, les apôtres se sont réunis, il y a eu quelqu'un qui a entonné, qui a prié au nom de tout le monde. Et ça fait que c'est l'ensemble, comme ils étaient unis dans la prière, ça fait comme si c'est l'ensemble qui a prononcé la même chose et puis on a mis ça par écrit. Parce que je ne pense pas que chacun a répété les mêmes mots, parce que bon, c'était comme si c'était écrit quelque part et ils disaient pour pouvoir répéter les mêmes mots. Donc c'est l'idée que la compréhension que j'ai eue, c'est que la personne... Et quand ils sont réunis, une seule personne maintenant s'est levée et il a prié. Et il a prié pour pouvoir. Et il a fait cette prière. Bon, c'est ce que j'ai expliqué par rapport à la prière. Parce qu'on prend. J'ai le texte devant moi, à chapitre 4. Si vous avez vraiment la Bible, on va prendre ensemble. À chapitre 4. Oui. Le verset 24. On peut commencer à partir du verset 23 même. On dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où il était assemblé trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Donc c'est le verset 24 là qui me trouble un peu. Le verset 24 là où il a dit le verset 24 que lorsqu'il lui voilà ils élevaient à Dieu et dit Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc, on dirait que c'est, au fait, la Bible est en train de dire que c'est l'ensemble. Ensemble, ils sont en train de réciter, de faire cette prière. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce passage que certaines personnes s'appuient sur là-dessus pour dire que, ouais, que pour établir les recueils de prière dans les assemblées. Tu vois, c'est pourquoi notre frère, je lui ai dit que presque toutes les fausses doctrines, c'est-à-dire que les fausses doctrines, les enseignements, là, ça a l'air. Leur appui dans la Bible. les gens prennent des passages dans la Bible et puis soit ils ont le sens. Maintenant, moi, je voulais comprendre quel est le sens réel de ce passage-là. Quel est le sens exact de ce verset-là? Allô? Allô? Oui, franchement, moi je pense que... On va se tourner vers notre point bien-aimé. Si vous il peut nous apporter les questions là-dessus. Qui se baissait là? Mais est-ce que, à part ce passage-là, est-ce qu'il y a d'autres passages dans la Bible où il a été dit que les apôtres ont fait des récitations de prière? Bon, moi, personnellement, je ne vois pas. On n'est pas aussi sur Balis, c'est un seul passage pour faire une affirmation, comme tu l'as dit tout à l'heure. On ne peut pas aller dans le Nouveau Testament, on le voit faire par exemple des prières communes, des récitations de prières. Amen, amen. Donc, nous, dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas aussi des pratiques qui ont été faites. C'est dit que c'est pas une prière qui est inspirée par Jean. Mais quand on doit réciter une prière que tout le monde sait, c'est pas une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Amen. Parce que, effectivement, ce que le frère Paul Espérant dit, je crois que c'est ça. Parce que, bon, ce passage-là, bon, je ne connais pas le vrai sens de cela, comment les choses sont passées, mais effectivement, comme le frère Paul Espérant vient de le dire, les prières ne sont pas préétablies d'avance. Parce que c'est. La prière, c'est doit être faite sous la direction du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que, quelque part, Paul dit que même quand on s'approche devant le Seigneur, souvent, on ne sait pas comment articuler, comment trouver les mots appropriés pour pouvoir formuler nos requêtes qu'on doit adresser au Seigneur. Mais on consulte le Saint-Esprit pour nous conduire dans la prière. Donc, c'est le Saint-Esprit même qui nous donne les mots justes, les mots appropriés pour que nous puissions formuler notre requête au Seigneur. Comme il donne le mot approprié aussi pour que quelqu'un puisse prêcher l'évangile. On voit un peu le cadre, c'est la prière, c'est un peu, moi je pense un peu comme le cadre des évangiles. Jésus a dit quoi? Il dit que lorsque vous serez devant les personnes, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire à ces personnes-là. Mais le Saint-Esprit lui-même va vous donner les paroles, les mots appropriés pour que vous puissiez prêcher vraiment la vérité à ces personnes-là. Donc moi je pense que c'est un peu dans ce même ordre-là. Lorsqu'on s'approche devant le Seigneur, le fardeau est là. Le sujet de prier dans le cœur, le fardeau est là. Maintenant, comment libérer ce fardeau-là? Comment prier? Voilà, il faut aussi trouver les mots pour pouvoir articuler la prière. Maintenant, on doit compter sur le Saint-Esprit, sur vraiment sur l'aide de l'Esprit pour vraiment nous conduire dans la prière, pour que nous puissions faire des prières parfaites, des prières vraiment qui puissent vraiment toucher le cœur du Seigneur. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ce que le frère Paul Espérance vient de dire tout à l'heure. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de prière préétablie dans l'Assemblée des Saints. Il n'y a pas une prière moi, qui est établie d'avance qu'on doit venir réciter hein, dans l'Assemblée des Saints. En ce moment, on fait comme les catholiques ou bien comme les bouddhistes. C'est ça. Comme les bouddhistes, voilà. Mm-hmm. Voilà. Quoique, bon, je n'ai pas toute la connaissance de ce verset. Je ne sais pas comment ce verset, qu'est-ce que le verset veut dire réellement, mais moi, c'est ce que je crois qu'effectivement, que dans l'Assemblée des Saints, on ne doit pas avoir des prières préétablies. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Oui, le frère Jacques. Oui, oui, frère. Comment tu vois ça par rapport à cette préoccupation? Non, ce que vous venez de dire là, je pense que c'est exactement ça. On ne peut pas, dans l'Assemblée des Saints, parmi les chrétiens, il n'y a pas de prière déjà préparée. On doit réciter afin de pouvoir être exaucé. Donc, si la prière était déjà écrite, là, ça veut dire qu'elle était déjà exaucée avant même que tu commences par la lire ou bien de commencer par la réciter. Donc, je pense que, alors que la prière, c'est sortir notre préoccupation, ce qui nous dérange même. Et on veut vraiment demander à notre Dieu, à notre Père. Mais lorsque c'est déjà fabriqué, déposé là, ça devient carrément autre chose. Moi, je l'avais fait aussi lorsque j'étais dans les dénominations. J'ai beaucoup récité les psaumes, j'ai beaucoup récité. Mais ça n'a rien donné. Mais il faut dire que, bon, il n'y a pas de prière toute faite parmi les chrétiens. Là, ça devient carrément autre chose. Amen. Donc, ça veut dire que le verset 24 de Acte là, sûrement, peut-être ça peut vouloir dire quelque chose, mais je ne pense pas aussi que ça trait à la récitation d'une prière. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est ça. Amen. Amen. Et le frère Yao, on n'entend pas depuis là. Est-ce que tu es avec nous? Bonsoir les frères. Oui, Yao, il y a quoi? On t'entend pas là? Ah, vous m'entendez maintenant, non? Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit avec vous, mes frères. Ouais. Quelqu'un m'entend? Le frère Paul d'Espérance, et puis ensuite encore le frère Yangoran, et encore témoignage aussi du frère Djumandé, et puis aussi à notre bien-aimé du Togo. Écoutez, moi, seulement que j'ai un petit témoignage, comme la parole nous enseigne. Nous sommes déjà des chrétiens, quand on s'est réunis autour de la parole. Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement, frère. T'entends plus, hein? Vous m'entendez, les frères? Parfait, on t'entend. Oui, on t'entend maintenant. Ah, mais vous m'entendez maintenant, non? Oui, on t'entend. C'est un peu bizarre. On t'entend clairement. Ah, d'accord. Donc, moi, c'est un témoignage. Voilà, un témoignage concernant le frère Junior. Voilà, c'est concernant moi, mon témoignage, ça concerne vraiment le frère Junior parce que. Ah, je suis bien dit, avant même qu'on entend vraiment le frère, j'entends vraiment le frère, je croyais déjà à la parole Mais il y a une chose qui vraiment, puisque de l'autre côté, la base, c'est une chose que nous faisons, surtout sur le palais à langue. Moi, vraiment, ma base, même, c'est qui vraiment le frère Gino, par la grâce que le Seigneur lui a donnée, sur le point même fort, même sur quoi il m'a vraiment aidé, c'est sur le palais à langue, parce que je suis rentré dans un ministère que là-bas, on a vraiment mis l'accent sur ces trucs-là. Donc là-bas, même là, vraiment, si tu ne parles pas cela, c'est comme si le Seigneur ne te connaît pas. Donc, on faisait tout même en langue. Même manger, même sur, pour manger, même à la maison, même là, on priait tout en langue. Hein. Donc, donc, c'était vraiment grave. Mais vraiment, comme la parole du serment, je croyais vraiment la parole, mais je ne faisais pas ignorant parce que nos évangiles nous ont enseigné que c'est comme ça. Quand on parle en langue, la prière en langue, c'est la langue du feu. Et quand nous prions comme ça, les messages, les choses que Dieu veut nous donner, mais quand ça vient, ça a flammé, ça s'est enflammé par le feu. Et quand l'ennemi veut toucher, mais il ne pourrait pas toucher. Donc il faut qu'on fait tout par la langue. Et quand c'est comme ça, tout ce que nous disons là, tout ce qu'on envoie par Dieu, Satan ne peut pas toucher parce que ça monte par le feu. Donc, tout par la langue, la prière du soir même pour dormir. En tout cas, tout ce qu'on faisait, c'est cette langue-là même. La prière, même, c'est devenu autre chose. Mais une fois, j'ai écouté le frère un enseignement concernant celui par la langue. Et quand j'ai écouté l'enseignement, ça m'a amené vraiment de réfléchir encore vraiment pour chercher moi-même. Parce que avant qu'on partait l'enseignement, d'avoir pris les choses qui sont des indications, ils dans les visions. Le Saint-Esprit m'a dit, je suis parti en esprit, je suis monté au ciel, j'ai vu le Père, j'ai vu le lion, j'ai vu le Jésus-Christ. Donc, c'est comme c'est seulement que les révélations qu'on nous donne. Donc, nous, on croyait déjà à ça. Donc, quand on arrive même là, la parole même là, la Bible n'est pas trop appliquée. Donc, on arrive même, c'est comme c'est les choses qu'on a déjà enseignées. Quand on arrive, c'est comme le vous disiez tout à l'heure, c'est comme une récitation qu'on arrive, on fait que réciter ce que les apôtres nous ont enseigné là-bas. Parce que là-bas, les apôtres sont là-bas, on les voyait comme des dieux. Hein. On les voyait comme des dieux. Donc, quand le frère en question il m'a exhorté ça, ça m'a amené à la maison de Sassam, moi-même des les choses par la parole. Et quand je lisais la Bible et concernant ce que le frère Gino a donné par son enseignement, par son interview, j'ai vu que vraiment, il y a quelque chose qui croche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné certains versets qui concernant ce que nous pratiquons là-bas. Et j'ai envie de verser là pour aller vraiment confronter vraiment nous faisons. Pour voir vraiment comment ils vont réagir. Et quand je suis parti, j'ai exposé ces versets dans l'ensemble où je me trouve. Parce qu'il y a les cellules partout. Puisque là-bas, non, on ne prenait pas la dîme, on construit des temples. Et là-bas, là-bas, les pasteurs. Donc on s'est réunis, chacun, celui qui a le don, celui qui a vraiment une zèle vraiment à lui, qui peut parler. On lui donne l'occasion et puis il peut prêcher comme il se doit. Donc quand je suis parti, j'ai sélectionné ces versets, je suis parti au milieu de l'assemblée. J'ai exposé ça. Et quand je pose ce verset, à chaque fois que je dis que, ah vraiment, voilà des choses que nous faisons, moi depuis, je ne comprenais pas. Mais j'ai commencé à examiner la parole. Voyez ce que je constate vraiment dans cet enseignement. Mais à vous, qu'est-ce que vous en dites dessus? Et quand j'ai dit ça, personne n'en parle. Et à chaque fois que j'expose ça, on fait point à les apôtres pour dire que non, ah, frère Yahou, Jules, là-bas, on m'appelle pas frère Yahou, je m'appelle là-bas, missionnaire Yahou, en train d'envoyer un enseignement, on n'arrive pas à comprendre. Lui-même qui est un ancien, il a même rendu témoignage partout, il avait vraiment une zèle, vraiment, tout le monde, on le reconnaît. Mais on ne comprend pas, tandis que quand il vient, il vient nous faire c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Quand il est venu à la maison, tout ce qui est passé, il voyait qu'il y avait un problème. Mais attends, parce que monsieur est là. Et puis, mais quand il m'en vais là-bas, toujours un problème. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à moi-même, je dis qu'il y a un problème. Que donc, ce verset là, c'est que nous faisons. Il y a un problème, je ne suis pas derrière. Et par là même, on m'a même convoqué, même, on m'a vraiment, ils ont fait partie, même quand le premier apôtre, sur son pied, et ils m'ont convoqué. Et à l'apôtre à juin, comme ils étaient à l'apôtre à juin, celui-même qui est dévancé, s'il n'est pas là, l'apôtre, il est su. C'est l'apôtre là, le grand m'a délégué l'apôtre à l'évêque. Il m'a demandé Yahou, tu veux que je reste là pour vous, pas venir ici à la ville. Bon, d'accord. Si tu veux venir, tu peux venir chez moi. Donc, j'ai convoqué les réunions chez moi à la maison. Ils ont réuni. Et on est venu, on s'est chamé le verset. Et tellement c'était chaud, même sur lui. En tout cas, c'était chaud. Parce que moi, je me passais. Quand je veux sortir de la pub, me faire les révélations, je lui dis non. Tu as ce que tu donnes, c'est vrai. Ça t'a donné les révélations. Je veux qu'on s'appuie sur ce qui est écrit. Donc, on s'est chamé ces jours-là. À la maison, on a commencé même matin à 8h. On a fini même le remis à 16h. Et tellement ces choses sur la porte là, il me dit qu'il y a un frère. Moi, ce qu'il veut te dire, c'est vrai, c'est écrit, mais moi ce qu'il veut te dire là, moi, il va jusqu'en esprit. Quand il va même un enseignement que le Saint-Esprit me donne en haut là-bas, toi, tu n'as pas cet enseignement, c'est que moi, il tient à te dire, je tape à part, je te dis non, Il faut pratiquer. Il faut faire ce que tu dis. Même si c'est écrit. Là, il y a dit qu'il y a un problème. Et là, ce qu'il y a un problème. Parce que là où je suis arrivé à s'en sortir, me dit que lui me dit maintenant, il prend un engagement pour me dire que moi, de pratiquer ce qu'il me dit que lui, quand il va en esprit devant Dieu, je lui dis de pratiquer. Il dit, moi, d'accord, j'ai compris. Et c'est pas là vraiment. Je continue, j'ai même pas rebaptisé. Je continue. J'ai augmenté encore. Junior a parlé encore sur le baptême. Parce que là-bas, même mon fils, mon dernier garçon, là, il est né quand j'ai baptisé, il avait 3 mois. On a baptisé un enfant. Donc là-bas, tout le monde se baptise. Si moi, je suis le père, je me suis baptisé que ma femme est là, mais je pense que c'est pour ça qu'on parle à tout le monde. Et ramène la table, s'il te plaît, là, c'est fini. Et quand on arrive, la scène est tous les enfants, même les bébés nouveau nés, tout le monde mange la scène là-bas. Donc quand le frère Giro a touché tous ces points-là, je me suis retourné à la maison et je ne partais plus. Je prends mon temps à la maison, à chaque fois que je l'écoute, j'essaie de les verser. Parce que, en fait, je prenais ces versets pour aller à les confronter, c'est ce que je faisais. À chaque fois, quand j'écoute un enseignement de frère Junior, je vais les prendre les points. Et quand je les trouve, j'expose tout ce que j'ai écouté. Donc quand j'amène ces enseignements avec les versets là-bas, je dis, ah, voilà c'est ce que nous pratiquons ici. Mais moi, j'ai examiné concernant la parole. Là, ce que la parole dit, oh les frères, quand je dis ça là, non, c'est grave. T'as qu'est-ce que le problème? Donc, une fois, une deuxième fois encore, ils ont envoyé la porte encore, mais si moi, je ne vais plus faire l'œuvre là, de laisser des gens qui veulent faire l'œuvre. Et mes questions là, on dit ça les dérange. Il dit, mais si mes questions sont posées, vous êtes devancé. Et puis, je pose mes questions contre la parole. Et puis, il n'y a pas de réponse parce que je vois vraiment que c'est écrit. Et je vous montre où c'est écrit. Voilà, voilà comment ça se passe. Et vous me refusez, vous me demandez, vous me dites de laisser ce qui est écrit et de suivre ce qui est l'esprit qui est en vous qui vous dit. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous toujours, il y a tous ces problèmes là. Donc, après, je voyais que même là, tout le monde me refusait. Donc, je me suis mis à la maison ici. Je ne partais plus là-bas. Mais en ce moment, encore chez moi, à la maison, il y avait un coin ici, les gens même venaient enseigner sur les dimanches. Mais un jour, je les ai réunis, je dis, ah, quand ils se sont réunis un dimanche, je dis, ah, les frères, c'est vrai, moi, vraiment, c'est qu'on pratique là-bas depuis longtemps, c'est pas l'ignorance que je faisais. Mais à plusieurs personnes, moi, j'ai vu dans la Bible, voilà, c'est quand j'expose cela ici, c'est vrai que moi, je suis comme un homme radical parmi vous me voyez toujours un rebelle. Donc vraiment, moi, ça me dérange. Donc, si vous devez refuser ce que la parole dit ici, je préfère que chez moi, la maison, si ça cesse la prière des parents. Parce que moi, ils disent, ça ne me concerne pas. Ils voient que ça ne vient pas de Dieu parce que ce que la parole dit, c'est parce que nous pratiquons. Donc, vraiment, je vous demande vraiment, je voudrais que vraiment, chez moi, la maison, si la prière que vous faites ici, ça cesse. Parce que je ne reconnais pas que cette mission vient de Dieu. Donc, bien demandé cela, les frères. Ils ont parti. Donc vraiment, par ces enseignements-là, quand le frère a donné cet enseignement sur le baptême, comment on doit être baptisé dans le Seigneur, et comment le parler en langue, vraiment, on doit traiter, c'est comment on va parler en langue dans l'assemblée, comment ça se manifeste. Donc ces deux choses-là, vraiment, quand le frère m'a donné l'enseignement, ça vraiment, j'ai examiné, j'ai vu que vraiment, hein, ce que je faisais là-bas, c'était une ignorance, mais la manière j'ai vu la vérité là, je ne vais pas suivre quelqu'un encore, je vais suivre ce que la parole dit, et c'est pas là que je me suis retiré. Je suis resté ici, et c'est pas là aussi, doucement, et puis, le frère en question, même dans un enseignement, il a dit que je sais que parmi vous, il y a des gens qui veulent vraiment faire vraiment les choses comme le Seigneur demande. Mais ils sont tenus captifs à quelque part, ils n'arrivent pas. Mais moi, je vous dis, même si vous êtes dans un coin, priez, il y a des gens qui sont sincères avec le Seigneur, Dieu va vous amener vers ces personnes-là. Donc, quand le jour de l'enseignement, chez moi, il sait vraiment agréablement que les ceux qui sont sincères à vraiment faire des choses selon comme c'est écrit, amène-moi vers ces personnes pour que vraiment, ce que je voulais faire pour te plaire, pour que ça soit selon ce que tu as établi. Et, bah, cette prière, même semaine, bah, même moi, et puis j'ai pu savoir le frère Nyangoura Olivier de Yabougon, et ici, arrivé là-bas, il a vu que. Et aussi, ils sont vraiment reçus là, c'est moi, les frères en question. Donc, je me suis attaché là. Donc, vraiment, le remerciement que moi, je m'adresse, c'est comme un témoignage, le remerciement que je donne à Dieu, une reconnaissance que je donne à Dieu aujourd'hui, à travers vraiment pour cette adoration que le frère Gino m'a donnée du Cameroun. Aujourd'hui, quand j'attrape ma Bible, je sais où commencer et je sais où terminer. Et vraiment, ça m'a permis aujourd'hui de lire la Bible en bon sens et vraiment dire quelque chose à quelqu'un concernant la Bible avec l'assurance et avec vraiment, avec autorité, parce que quand je vois. La manière il voit maintenant la Bible, comment elle avance. Parce que quand il va vers les gens, je dis avec haute voix, avec l'assurance, sans doute, parce qu'il sait que c'est comme ça. Il a dit, restez dans la parole, c'est là. C'est dans ce moment que le frère me donne charge. Je dis, frère, il y a aujourd'hui, tout ce que vous allez faire, restez dans la parole. Certaines personnes me posent la question, comment je fais? Mais moi, ma force, c'est que je me cache toujours dans la parole. Quand tu es dans la parole, les gens vont trouver les arguments, ils vont philosopher partout, comme ils vont revenir toujours, ça va rester toujours là. Donc vraiment, par cette assurance que le frère m'a donné, vraiment, ça m'a permis aujourd'hui, et aujourd'hui, quand j'attrape la Bible, il sait comment commencer et il sait comment terminer. Vraiment, c'est un témoignage vraiment que je rends à notre Seigneur Jésus-Christ, au sein de grâce. Et vraiment, je reconnais vraiment à ses bienfaits qu'il a fait pour moi. Donc c'est vraiment ce témoignage, vraiment les frères, je voulais partager avec vous. Mais tout de même, j'ai laissé un petit message encore avec le frère Junior. Il sait que vraiment il a fait, le Seigneur a permis à lui faire, il a fait une proposition sur moi. Et comme on a pas de soin, on ce témoignage là vraiment ça concernait beaucoup les frères et les soeurs que le Seigneur a fait la grâce pour attendre vraiment la parole de Dieu. Il dit comme ça que dans mon témoignage, l'orgueil est le plus maladie, le plus dangereux sur la terre que le sida. Et c'est ça qui est le problème. Parce que le Seigneur ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est orgueilleux. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout savoir. C'est quoi le Seigneur nous a créé beaucoup. Et tu vois. Et c'est pourquoi aussi la parole, parce qu'il ne peut pas donner toutes les dons à une seule personne. À chacun de nous, on voyait bien Paul avec les pierres. On savait bien que c'est Pierre même qui a reçu même le clé. Jésus lui a donné, parce que c'est lui-même qui a donné les révélations de l'Église. Mais le dernier même qui persécutait même les chrétiens concernant le Paul de Damas. Quand le Paul a reçu, Paul a reçu même les révélations concernant notre Seigneur Jésus-Christ. On a vu une fois les apôtres se sont réunis à Jérusalem et quand ils sont arrivés, parmi eux-mêmes, Pierre avait reçu même la révélation de l'Église. Il a vraiment dérangé même les païens qui sont venus parce que quand les païens sont venus, parce qu'au lieu de la reçu la constitution, on est venu une révélation qui m'a dit hier, les autres frères sont venus, mais vous-même qui dites vous êtes des croyants, mais comment vous avez compris que c'est frère là, que c'est pas normal. Et c'est une parole qu'il a adressée même à certains et même l'a tendu la même sur à Pierre. Et tu vois, donc ça montre par là que le Seigneur peut amener une personne, peut donner une révélation à une personne, mais il ne peut pas te donner. Il peut amener aussi un autre encore pour venir. Et puis, cette personne qui a avancé, le Seigneur peut permettre quelque chose pour lui dire que ah, c'est une chose que depuis longtemps tu ne comprends pas, mais à travers ce que tu as fait à tes jours comme ça, voilà le rêve que tu as fait. C'est pourquoi le Seigneur a partagé à plusieurs vraiment les dons à chacun de nous. Donc, j'ai donné vraiment cette témoignage le dimanche passé, les ceux qui sont réunis même à Yopougon, que vraiment le Seigneur Jésus a fait vraiment quelque chose pour moi. Et c'est ce qui a fait pour moi, au lieu de glorifier le Seigneur Jésus-Christ, j'ai tapé la poitrine, je me suis orgueilleux pour dire que vraiment c'est par ma force que cela a été fait. Et le Seigneur même a touché ma femme pour dire que chérie, ne dis pas ça parce que si le Seigneur a permis que cela soit, il faut rendre vraiment la grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, ne tape pas la poitrine. Mais quand elle a dit, mais il faut laisser, laisse ça. C'est vrai, Jésus avec nous, mais ça seulement c'est par ma force. Et le Seigneur a permis, mais quand après cela, madame, tout le monde allait se coucher ici, assis au salon, il lisait la Bible. Le Seigneur m'a commencé à me parler, m'a dit que non, ce que tu as arrivé là, c'est moi qui ai permis pour que tu partages cet orgueil-là. Parce qu'il y a plusieurs parmi les frères, mes enfants que j'ai appelés ici, le Satan, notre grand ennemi, les pousse à pratiquer cet orgueil-là. Mais l'orgueil, c'est vraiment très grave. Mais moi, il te pousse à aller devant l'Assemblée, même à les frères même qui croient que vraiment, le Seigneur aussi, avec toi, il va vers eux, les exhorter sur certains points, il va vers eux, il rend ce qui m'a dans l'Assemblée. Et vraiment, ces jours-là, vraiment, mais t'en un peu long, mais plusieurs personnes, vraiment, mes frères, beaucoup ont été vraiment édifié par cette témoignage. Donc vraiment, l'orgueil, c'est très grave. On ne peut pas tout connaître, mais le Seigneur permet, les gars, comme il a dit, il a donné les dons à chacun de nous pour que, ensemble, vraiment, pour que vraiment l'œuvre parfaite qu'il a compris, pour que ça puisse se manifester, pour que dans son nom saint, puis vraiment être glorifié aussi par nous aussi. Donc, amen. Vraiment, c'est un témoignage que moi, et si je pour la Seigneur, je continue toujours de prier pour ce frère Junior. Vraiment, il y a longtemps, on a causé son problème de courant. On n'a pas assez de temps vraiment d'échanger avec lui. Mais avec lui, avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes séparés de chair. Nous sommes vraiment ensemble à l'esprit. Donc, vraiment, le frère, vraiment, j'ai pris beaucoup pour lui. Et par vraiment cette grâce que Dieu a donnée, il a permis aussi, pas vraiment, on a été vraiment éclairé vraiment certains points. Comme le point d'expérience a dit, sur certains points, donc aujourd'hui maintenant, si nous faisons certaines choses, et Allah a pris d'ignorance, parce que nous savons maintenant, et le Seigneur a donné cette grâce à le frère, il nous a permis aujourd'hui pour vraiment se tenir devant les gens, pour ouvrir la bouche, pour dire certaines choses concernant ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ avec l'assurance. Donc vraiment, mes frères, le frère a aussi, le Seigneur a permis que vraiment je bâtisse un certain orgueil. Je vous ai dit un moment que mon portable a été brûlé. Et c'est le bandit, même le parabole le plus dangereux à propos qui a arraché mon téléphone. Lui, il prend en plein midi. Il n'y a pas quelqu'un même qui a il lui dit, mon frère, il a pris mon téléphone. Mais le frère m'a volé mon téléphone. Moi, je ne sais pas comment c'est passé. Ils m'ont braqué au goudron. Ils m'ont agressé au goudron. Et le Seigneur a permis, j'ai reçu le numéro des voleurs. Je les ai appelés. Moi-même, là, si je vous explique comment c'est passé, Vous avez médiqué, mais c'est un fou, bien, quoi. Et sa assassin là m'a dit, quand ils m'ont rappelé à 23h sur le mur de ma femme, qu'on a volé, on a rendez-vous dans tel endroit, Dieu est venu nous trouver. Je suis parti trouver les gars, il m'a servi devant moi, il m'a demandé pardon. Il dit, mais lui-même, il me dit que non, lui, il n'a jamais demandé pardon à quelqu'un. Mais lui, il ne sait pas pourquoi il me demande pardon. En étant arrêté devant le vagabond, je savais à moi, mais moi, je savais que Jésus est en train de faire quelque chose. Mais les frères bien-aimés, quand Jésus a fait ça, il a fait ça pour moi, ils m'ont donné le portable, ils m'ont mis dans la maison à minuit. Ma femme, comme il a dû le elle ne me voyait pas, elle m'a appelé. Il dit, non, j'ai en route, j'arrive. Comment c'est passé? Elle m'a dit, frère, il y a Jules. Et mon mari, qu'est-ce que c'est passé? Il dit, ah, il peut, et elle, il peut voler pour tout le monde, sauf pour moi. Ah bon? Le frère là, il peut tirer, il va prendre un portable de tout le monde, mais sauf pour moi. S'il savait qui je suis là, il va prendre mon téléphone. Vous voyez ça? Il s'est donné. Mais Jésus, arrête ça, on ne dit pas ça. Il faut dire merci à Jésus. Tout le monde connaît IB. S'il s'appelle IB, c'est le microbe Tabobo. Le microbe Tabobo, c'est l'extérieur. Il est quitté à ma. Pas longtemps. Si vous connaissez vraiment, vous avez une indication de Tabobo qui a au moins 10 ans. Si demain, qui s'appelle IB, il va se parler de IB. C'est IB qui m'a voulu ce jour-là. Il dit, moi, il est brûlé pour tout le monde. Mais sauf moi, pourquoi la mère est là-haut? Frère, il allait crier sur le goudron. Non, il est brûlé pour tout le monde. Ma femme me dit, hé, chérie, arrête ça. Si le Seigneur Jésus t'a prêté la grâce, que tu puisses avoir ton téléphone, il faut dire merci à Jésus. Arrête, pas arrêter ça. Mais mes frères, quand il a dit ça, on dirait même que ce matin, il m'a dit de vraiment insister vraiment mon orgueil. Et vraiment, après, quand je suis resté sûr, le Seigneur m'a dit que non, il était permis de faire ça, mais demain, va rentrer moi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent, ils sont des saints. C'est vrai, nous sommes des humains. Le Seigneur peut faire tout avec nous, mais quand même aussi, à certaines choses qu'on peut faire, c'est dangereux. Mais pour vraiment la conduire, pour notre frère, les ceux qui vont nous suivre, il veut que nous, certaines choses que nous faisons, même à la maison, si la marche avec la maison n'est pas trop ça, il faut vraiment réfléchir, que ce soit avec la sagesse. Il veut qu'il y ait ce témoin pour que ses frères même qui te suivent, ils puissent vraiment savoir que celui-là. Mais quand on sent que vraiment le Seigneur nous appelle, il arrive au moment à dire à certaines choses concernant la parole, qu'on voit que c'est la vérité, ces personnes-là, on ne voit pas comme bien les saints. Et aucun problème, c'est et à chaque fois, les gens viennent vers eux pour dire que vraiment, moi j'ai péché, il fait juste cela. Oh, il y a plein, c'est l'orgueil. Un homme sur la terre qui va tout connaître. On a vu avec les apôtres, on a vu avec Pierre et avec même les Paul. On a vu toutes ces choses-là. Donc, les hommes-là, Dieu n'a rien mis au hasard. En tout cas, il m'a dit, va rentrer témoin. Donc, vraiment, je suis parti. Ceux qui n'ont pas été présents, vraiment, le témoignage a été vraiment. Ceux qui ont été présents, vraiment, ça a été vraiment édifiant. Et moi-même, ça, vraiment, ça m'a rassuré encore de plus que le Seigneur avec moi. Vraiment, les frères, c'est un témoignage vraiment très édifiant. Comme nous sommes vraiment, je vais permettre aussi pour que certaines personnes aussi puissent aussi donner des témoignages. Mais je rends toujours gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il a donnée à notre Père. Et je reconnais toujours vraiment pour cette bienfaite. Et je prie toujours pour les frères. Il y a même, il y a un petit message, même sur son compte WhatsApp. Il a reçu mon message et il m'a vraiment répondu. Et vraiment, les frères, le frère Junior, le Seigneur a permis une grâce pour que nous l'accueillions. Il faisait avec la foi, avec l'amour. Mais il savait que c'est pas la vérité. Il savait pas. Mais même quand même le frère Junior envoyé même une vidéo, même il proclamait directement que depuis il y a un secret caché que maintenant lui le pape maintenant il veut donner la liberté à tous les. Il a bien précisé à tous les fidèles catholiques. J'ai dit, n'a pas dit à tous les chrétiens. Il a dit à tous les fidèles catholiques. Chacun peut se marier maintenant comme il veut. Ils sont libres. Donc, quand elle a dit ça, il est là. Donc, le frère, pour l'assurance, il a vu le message. Mais en ce moment, le frère, il était dans l'ignorance. Qu'est-ce que je faisais? C'est pas l'erreur que je faisais. Il s'est repenti. Donc, aujourd'hui, par cette grâce que le frère en question, le Seigneur a fait donner à le frère au Cameroun, nous, aujourd'hui, qu'on attrape la Bible. Si quelqu'un prend la Bible et puis il renverse la Bible, il va en question de la donner. Chacun de nous sait qu'il faut commencer, où faut commencer vraiment à lire la Bible. Et parce que là, qu'on prend un verset de la Bible qu'on lit maintenant, le Seigneur nous permet de vraiment rassembler les versets pour comprendre le sens de certains passages. C'est vrai qu'on n'a pas encore tout connu aujourd'hui. Comme il a dit hier sur mon message, petit à petit, le Seigneur, quand il veut faire quelque chose avec nous, il prend tout son temps et il règle tout. Et quand il nous met en œuvre, il n'y a pas des erreurs. C'est pourquoi le Seigneur est très lent à vraiment travailler avec nous. Et tout ce qui va comme orgueilleux, vraiment pour se montrer, au lieu de montrer Jésus-Christ, pour se montrer devant les êtres humains, le Seigneur prend son temps vraiment pour nettoyer. Quand cela est fait maintenant, il te met sur le terrain. Et quand ça va sur le terrain, il n'a aucun problème. C'est comme un enfant. Dès qu'il arrive à marcher, il se lève pour marcher. Le père n'a plus de problème. Mais quand il n'arrive pas à marcher, quand il se lève pour marcher, maman a tous les problèmes. Il peut tomber dans le feu, soit il peut tomber sur un caillou. Mais pendant qu'un enfant arrive à bien marcher pour courir, la maman se peut tomber dans la joue tranquillement sans avoir des soucis. Vraiment, les frères, que le Seigneur vous bénisse. J'attends un peu pour demander les soucis, pour prendre le temps pour tout le monde. J'ai plein de choses à dire, mais je m'estope là pour que d'autres puissent aussi parler. Que la grâce pour mes frères. Amen. Roger. Amen. Roger. Oui. Je pense que le frère Yao vient d'ouvrir un chapitre important, le chapitre des témoignages. Je pense que s'il y a certains frères aussi qui ont des témoignages, je pense que ce serait le moment. Parce que témoigner aussi, c'est rendre gloire à Dieu. Et je sais, que le frère, le Seigneur a fait de bonnes choses. Toi, frère Olivier, je pense, hein, s'il y a des témoignages, on peut quand même les crédits ou aux uns aux autres, hein, de pouvoir témoigner pour ce que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies. Je sais que chaque jour, le Seigneur fait beaucoup de bonnes choses pour chacun de nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Moi, par exemple, vous savez que je conduis. Je conduis la mini-car qu'on appelle Bacala. Et depuis que on se nettoie avec les paroles et les enseignements de notre Seigneur et les enseignements du frère, c'est pas facile de pouvoir réformer ses voies. Mais on essaie toujours. Vous savez, les policiers, ils ont cette habitude-là, quand ils vous arrêtent, de pouvoir toujours trouver une faute. Hein? Afin de vous verbaliser, ou du moins, afin de vous soutirer de l'argent. Or, ces pratiques-là, on doit quitter dedans. Hein? En tant que chrétien, on ne doit plus patauger dans ces histoires de corruption et tout ça. Donc, un jour, moi, j'allais à Bassam, et maintenant, c'est devenu monnaie courante. Ils se mettent sur la voie de, sur l'ancienne route de Bassam, et quand on va, quand on passe, ils vous arrêtent. Ils vérifient si les feux sont en bon point, ils vérifient si les papiers sont en règle, ils vérifient même si le passager qui est dans la voiture a la ceinture. Donc, un jour, je passais, il m'arrête, le policier m'arrête. Il dit oui. Il dit, mais vous n'avez pas mis le passager d'à côté à la ceinture, mais le trou dans lequel la ceinture va s'insérer là, ce n'est pas bon. Donc, c'est supposé que le passager n'a pas mis la ceinture. Et donc, il m'appelle de côté, il dit, bon, fais vite ta partie là, tu connais là, fais vite ta partie là. Il dit, autorité, je demande pardon. Il sait que c'est gâté, mais il demande pardon. Pardon, je vous donne mes pièces. Il dit, tu dis quoi? Il dit, fais-toi partie. Toi, tu connais la règle, fais-toi partie. Il dit, ah, autorité, vraiment, je suis chrétien, c'est déjà le truc que j'ai pu faire. Il dit, quoi? Tu es quoi? Tu es chrétien. Donc, tu veux dire, tu es né de nouveau, quoi? Donc, tu es né de nouveau. Donc, il appelle son collègue, là, lui le plus jeune que lui, il avait les papillons, là. Donc, je lui ai dit, bon. Comme tu dis, tu es né de nouveau, donc on va te donner un papillon. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est ce que moi-même je veux. Il dit, mais ce papillon-là, avec retrait de pièces, c'est-à-dire, il a la possibilité de me donner le papillon et puis je vais payer en même temps. Mais comme ça a sonné dans sa tête que moi j'ai dit que je suis un chrétien, que je suis né de nouveau, en fait, ça vient de lui, hein, il dit que moi j'ai dit que je suis un chrétien. Donc, ça veut dire que je suis né de nouveau. Donc, en tout cas, cela a heurté, cela a choqué. Donc, il dit à son collègue-là de me verbaliser en retirant mon permis et que moi-même, j'ai cherché le permis à la préfecture de police. Or, il avait la possibilité de me donner le papillon et que je paye pour qu'on me redonne mon permis sur le champ. Donc, je lui dis, il était en transe. Ah, tu veux dire quoi? Que tu es chrétien, quoi? Que tu es né de nouveau? Allez, donc il dit à son collègue de me verbaliser et de faire en sorte que j'aille jusqu'au plateau à la préfecture de police pour aller récupérer le permis. Dis d'accord, pas le problème. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça m'a permis d'être vraiment en paix. C'est-à-dire, j'ai senti que j'ai fait une œuvre utile. Et quand j'ai fini de faire ça et qu'il m'a donné le papillon, j'ai dit, mais autorité, tu as fait la possibilité de me donner mon permis juste après que j'ai j'ai eu à payer. Il dit non, tu es né de nouveau, donc il faut partir, tu vas aller retirer le permis là-bas. Donc je suis parti dans la joie d'avoir réussi une preuve aujourd'hui. Donc Deux jours après, il allait prendre le permis. On m'a dit qu'il n'a pas reprenu le permis. Donc là, j'ai compris que vraiment, ça l'avait touché. Mais qu'il voulait me punir, quoi. Amen. Amen. Nous sommes là. Ah d'accord. Donc on veut attendre aussi le témoignage de Togo. Le témoignage de Togo vient bien. Le vrai bien aimé. Allô. Allô. Allô. Oui allô. Nous sommes là. Ah il est revenu. Donc on est là. Donc moi ça m'a fait plaisir ce jour là d'avoir imposé un acte de foi ce jour là. Donc vraiment. Amen. J'invite chacun de nous à ne plus entrer dans ces genres de compromissions là, voler le courant ici, voler le courant par là, prendre le courant parallèle. Je pense que ça, c'est les pratiques du monde dans lesquelles on ne doit plus pas toucher. Voilà. Amen. Donc, de temps en temps, on peut tomber, mais je veux dire, quand on tombe, il faudrait qu'on se lève, quoi. Voilà, donc c'est ce témoignage que je voulais rendre. Moi, voilà. Moi, ça fait du bien, quoi, quand on pose un tel acte là, vraiment. Amen. C'est vrai, amen. Non, c'est amen. Voilà, donc c'est voilà, que je voulais rendre quoi. Mais finalement, j'ai pu récupérer le permis. Hein. J'allais récupérer ça hier. Amen. Ah là, c'est bon. Oh là là là là. C'est bon de faire le témoignage quand même. Non, les policiers, quand ils vous prennent, il faut payer 1000 francs. Le papillon, c'est 2000 francs. C'est la contravention quoi. Donc, là, ils donnent 1000 francs et puis bon, voilà, tu dégages devant eux. Le business. Mais, voilà, franchement, chez nous ici, c'est monnaie courante. Allumé ici, au Togo aussi, c'est monnaie courante. C'est très difficile. D'accord. Ah d'accord, je pensais que c'est mon micro qui a des problèmes. Non, on t'entend bien. Ah d'accord. Sinon, il faut dire que j'ai rencontré pour découvrir le site Bambayeba, ce sont les témoins de Jéhovah qui m'ont conduit sérieusement à découvrir ce site. Et quand je pars au service, ils viennent beaucoup emmerder la femme à la maison avec leur enseignement, tous les questions. Et ils ont fini par m'embarquer dans leur enseignement. Mm-hmm. Et j'ai commencé par étudier leur enseignement avec eux. Ils ont un carnet dans lequel ils suivent leur chronogramme d'enseignement, tous les questions. Et finalement, je savais que ce qu'ils enseignent, ce n'est pas plus ça, mais ils sont tellement logiques dans leur enseignement que c'est difficile de pouvoir les contredire si tu ne connais pas la parole de Dieu. Effectivement. Et puis, un jour, j'étais là, avec un jour. Allô? Oui, on t'attend. D'accord. Et il y a un jour, j'étais là, j'étais en train de parcourir Internet. Et j'ai découvert quelque part où le frère Junior a publié quelque chose là. Le nom de Dieu, le Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, le nom de Dieu qui demeurera jamais. Voilà. J'ai dit que le Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. J'ai suivi cet enseignement, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Et après, pour pouvoir vraiment me défendre en face de ces de ces témoins de Jéhovah. Il a fallu que je recopie tout ce qu'il a dit. J'ai recopié ça dans un cahier, mot à mot, mot à mot, virgule après virgule. Et je me suis assis, j'ai lu, j'ai relu avec la Bible. Et je me suis pointé devant eux. On a commencé les études. Une fois que tu leur dis quelque chose pour les contrecarrer, il faut dire que ils sont tellement programmés comme des ordinateurs. Tu ne peux pas dire quelque chose et pouvoir les défaire. Ils ne suivent aucun raisonnement. Donc ça fait que j'étais déçu avec eux et je les ai abandonnés. J'ai fini par les renvoyer à la maison. Donc, comme j'ai pu découvrir le site de Bababa, j'ai continué dans les enseignements qui sont là-bas et puis j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, c'est lorsque j'ai découvert ces choses que j'ai fini par comprendre que il y a le Seigneur m'avait donné un songe un jour dans lequel je me voyais en face de beaucoup de morceaux de pain et j'étais en train de manger un pain qui est chaud et très doux. Donc, je n'avais pas compris ce songe. C'est lorsque j'ai découvert les enseignements de Bamba Eba, là que j'ai fini par comprendre que, au fait, les pains en question que je suis en train de me nourrir, il s'agissait de la parole vivante, de la vraie parole vivante de Dieu que j'ai découvert, que je suis en train de me nourrir. Et lorsque j'ai découvert ceci, franchement, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et il y a des choses qui sont en train de s'améliorer par la grâce de Dieu. Il faut aussi dire que lorsque, par rapport à ces enseignements, dans mon travail, dans mon service également, j'ai constaté une chose. Lorsque je traite, il y a des moments où certains dossiers prennent du temps dans le traitement et nous avons un supérieur, un directeur qui était extrêmement sévère. Il est très sévère et il ne parle pas du tout bien. Et quand tu as un souci avec lui, il faut dire que tu risques, ton dossier risque de monter directement chez le directeur général. Et il y a un dossier extrêmement urgent, extrêmement important qui devait être traité par moi. Ce dossier a pris un peu de retard, ça a pris beaucoup de retard. Mais maintenant, qu'est-ce que ça a pris un peu de temps dans le traitement. Un jour, il m'a rappelé ce dossier. Et je savais que ce dossier-là, quand ça va se déclencher, ma tête risque de tomber. Finalement, j'ai reconnu ça qu'il y a eu un retard dans le traitement. Je me suis mis à genoux. Parce que la manière dont ça commençait, les tractations ont commencé par se faire. Je savais que ça ne va pas aller. Là, je me suis mis à genoux le lendemain. Quand je suis allé, je me suis mis à genoux, j'ai prié la nuit, le soir, à la maison. Et lorsque je suis allé au service le lendemain, c'est comme si de rien n'était. Et nous avons traité le dossier de manière calme et ça aboutit calmement. Et puis, il faut dire aussi que quand tu as un problème, quand ce monsieur a un problème, quand tu n'as même pas de problème, il arrive au bureau, il peut saluer tout le monde, il peut ne pas te saluer. Une fois que tu as un souci avec lui dans le traitement d'un dossier, il ne va pas du tout. Il va penser que tu es là pour faire le retard, le travaux en retard, tout le reste. Donc, quel que soit ce que tu fais de bon, tu ne seras pas apprécié. Donc, il vient, il peut rentrer au bureau sans saluer personne. Il peut saluer tout le monde sans toi, il va t'écarter. Mais lorsque je constate ça et je me mets à genoux, je prie, il faut dire que le lendemain, quand il vient au bureau, je suis la première personne à être saluée. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Donc à chaque fois que je prie, je constate qu'il y a un souci comme ça et je me mets à genoux, je constate que il change radicalement à mon égard toute la journée et il parle très bien et il rit très bien. Chose que personne ne peut, qu'il ne peut même pas faire avec quelqu'un d'autre. J'ai fini par constater que les enseignements que je suis en train de suivre sur Bamba Eba, c'est l'impact que cela a sur ma vie spirituelle et ça, beaucoup, ça m'impacte sérieusement. Et j'aimerais aussi que les frères, les frères, vraiment, les frères, les sœurs, qu'on ne néglige pas ces enseignements. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Et que Dieu nous aide beaucoup. Parce que moi, personnellement, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, ces enseignements me m'aident sérieusement. Sérieusement. Donc, que Dieu vous bénisse. Oui, allô. Oui, comme le... Allô, oui, voilà, tout le monde est là. Olivier est là. Vous m'entendez? Allô, je t'entends. Ah, d'accord. Et on est les deux sur là, hein? Oui, ben, ils sont connectés quand même, ils sont connectés quand même. D'accord, d'accord. Voilà, je voulais ajouter un petit témoignage encore. Vraiment, vraiment, le frère encore, Logo, si encore béni par le témoignage. Et je tiens encore à ajouter encore un petit témoignage. Ça va tenir même au domaine passé avec mes frères, c'est un mec qui m'a vu un peu longtemps. Après presque un mois, c'est un peu encore vu, presque par téléphone, par SMS comme ça. J'ai allé dans l'assemblée même à Yopougon. C'était un moment dit, hey, frère, il y a aussi du gros. Si il y a du gros, mais je vais vous dire une chose. Vraiment, il ne sait pas si, il ne sait pas, il ne sait pas, mais il sait qu'il y a des choses qui se passent. Ça fait depuis presque maintenant, on peut dire 3 ans, hein, presque 3 ans, et j'ai commencé même à suivre même le frère. Mais vraiment, pour être en contact vraiment avec le frère, comme chacun de nous a entendu, maintenant, on dirait maintenant 2 ans, on peut dire 1 an. Et dans ce temps-ci, d'autres, si quelqu'un me voit, ils vont penser que peut-être le frère Yahoo, peut-être ça commence à aller chez Yahoo, sur le plan physique. Hein. Il y a l'argent maintenant, Yahoo mange bien. Et Yahoo grandit, Yahoo a pris du poids. Même mes frères, ils m'ont dit, ah, mais voilà mon frère Yahoo, il me laisse grossir. Mais il y a une chose, mon frère, je vous rends un témoignage. Depuis par cet enseignement, le frère Junior, par les enseignements, parce que dans l'enseignement, il a dit clairement que le but pour la grâce que Dieu lui a donné, Dieu lui dit de pousser à ses enfants, que chacun de lui-même prend la Bible. Lui-même, il lit la Bible lui-même pour examiner la parole de Dieu. Que chacun même apprend sa Bible. Il n'attend pas que quelqu'un vienne lire la Bible pour lui. Et je vous le dis, mon frère, je dis, dans ce temps-ci, presque dans ce temps-là, si quelqu'un me voit, il va penser que peut-être il y a l'argent, j'avais la main. Comme les gens du monde, c'est leur pensée. Mais mon frère, il y avait un père, il y a une père, vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Je suis en joie, moi, il ne sait pas. Il dit, il ne sent plus rien, c'est la paix, il y a la paix dans le cœur. Et en tout cas, partout où il suit, même dans un jeu comme ça, même dans la joie comme ça, quand il me dit, même passe comme ça, il n'est pas encore mangé. Tu vois? Donc, il y a cette joie-là, la paix. Il dit, à moi-même, à l'intérieur de moi, je sens cette joie-là. Et il y a une assurance dans mon cœur. Et tu vois, il ne sait pas où c'est quitté, mais vraiment, il est en train de vivre ça. Et quand je me vois, je pense que c'est pas comme s'il n'y a rien, soi-même, là, il n'y a pas l'argent à la maison pour qu'on mange. Mais je vois, je grossis, même les jeunes, même là, ça ne me dit rien. Et je grossis, dans mon cœur, il y a la paix dans mon cœur, et je suis en joie. Donc, je vais voir ma femme encore, nous de même, on grossit, mais je pense que je suis à savoir, mais tellement je suis en joie, elle fait des choses dans ça, je ne sens plus ça. Non, vraiment, c'est vraiment un témoignage, les frères, c'est un témoignage même de cœur. Comme le frère vient de le dire, je sens que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie. Amen. Parce que cette paix qui est venue, voilà, ça c'est ma. Depuis que je suis né, papa, mon frère bien-aimé, mes soeurs bien-aimés, depuis que je suis né, il y a l'argent qui est à ce moment, il y a mon argent, il est tout là, il y a des choses ouvertes dans le monde, mais les plus pervers, c'est fait, les petites filles là sont là auprès de moi. Mais cette assurance que j'ai en train d'avoir dans le cœur, bon, il y a toujours même pas l'argent sous moi, mais je ne sais pas comment expliquer. C'est en paix. Quelqu'un parle? Allô, frère Yao. Oui, c'est qui? Oui. Allô? On attend le moment, celui qui parle. Allô? Salut, frère. Oui. Oui. Non, c'est ton témoignage. Ah, d'accord, c'est un témoignage là-bas. Non, c'est ton témoignage. Ah, d'accord, qu'est-ce que ça lui a alors? Non, vraiment, mes frères, vraiment, cette joie-là, quand le Seigneur Jésus a dit que je vous laisse ma paix, je vous dis, c'est un témoignage vrai que je vous rends. C'est à moi, soi, entièrement, je suis en train d'expérimenter cela. Et vraiment, c'est tellement doux, j'ai la paix dans lequel la joie, je ne sens plus même mal. Même quand, vraiment, il y a une assurance, il n'y a pas quelque chose, c'est ça, pas, même si, entièrement, je n'ai rien, les détruits physiques là, ça m'intéresse pas. Et quand je suis au Dieu comme ça, cette joie là, ça me pousse même vraiment à chaque fois de parler même du Seigneur avec les gens, même dans mon lieu de travail, beaucoup même complètement remarqué. Et au fur et à mesure, j'avais ça à moi, mais au fur et à mesure, oui, dans ces temps-ci, ça commence à grandir à moi cette paix là. Et quand les gens me voient, on dit non, même les gens me dit pasteur, pasteur dans mon quartier, ah le pasteur André, ça rentre là, pasteur ça rentre là, mais c'est pas comme si j'avais, je n'ai rien. Mais il dit, par cette joie-là, fait que je grossis comme ça. Avant de me dire, il me dit, mon frère, qu'est-ce que tu manges, mon frère? Et elle m'a dit ça. Qu'est-ce que mon frère me laisse à grossir là? Regardez, t'as vu? C'est moi, je savais. Vraiment, les frères, vraiment, ils disent merci à Jésus. Et vraiment, je commence à sentir cette paix-là. Et dans l'enseignement, ce qui me fait dans ce témoignage, l'enseignement, quand le frère, je lui ai donné l'enseignement, il dit, avant vous, quand vous partez dans les églises, on vous prescrit même certaines choses, venez donner, lui donner. Et quand vous donnez ces choses-là, quand vous rentrez à la maison, est-ce que vous avez la paix dans votre cœur? Dans un enseignement comme ça, il ne sait pas c'est dans quel enseignement, il a dit ces trucs-là. Et quand souvent, il y a longtemps, quand l'enseignement était beaucoup, on a tellement enseignement beaucoup, non, je ne me souviens plus de quel enseignement, mais au fur et à mesure que les choses m'arrivent, le Seigneur me ramène de me souvenir de cet enseignement que j'ai écouté. Et tu vois, mais seulement que les titres là, il ne va pas être, souvent que je cherche, tu vois vraiment dans quel enseignement il a dit ça. Et vraiment, mes frères, je suis en joie. Aujourd'hui même, je vous dis, même si je prends même le goudron partant au travail, si une voiture m'écrase comme ça, peut-être, ils vont me voir ici, moi, mes mentors sont dessus, ils vont sourire. Moi, je suis trop content. C'est pas à cette fois-là. Oh, mes frères, que Jésus-Christ dans ce que soit loué. C'est un témoignage, c'est ça que je vous rends. J'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur mangée par son vraiment. Vraiment, je vous dis, ça c'est sincère, je dis que non, Seigneur, c'est. Et en parlant de ça, encore même, là où ils sont assis dans ma maison, ils sont en train de dire, il me réjouis, mes frères, je me réjouis et il me réjouis avec vous. Amen. Dites-moi en joie. Amen. Sois béni, mon frère, amen. Frère Jean-Didier. Oui, allô. Tu as quelque chose, tu as un témoignage? Bon, c'est le témoignage du frère qui est vraiment bénéficié, quoi. Voilà. En tout cas, je sens que c'est un petit peu de témoignage. L'argent, la vie, c'est tellement naturel, c'est tellement bien. On n'entend pas bien, frère. On n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Puis il y a du. Je ne sais pas s'il y a du bruit autour de lui, là. Allô? Oui, frère. Il faut bien ajuster ton micro, là, frère. Mon micro est bien activé. Allô? Oui, allô frère. Bon, vraiment, il y a un problème à ton niveau là. Donc tu vas couper le micro. Oui. Tu peux désactiver ton micro là, mon frère. Merci frère. Je pense que c'est bon. Oui. Frère Thierry. Frère Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Ah, vraiment, tu as écouté les uns les autres, n'est-ce pas, frère? Oui, écoutez. Ouais. Est-ce que tu as, à ton niveau, tu as quelque chose à apporter comme témoignage pour édifier tes frères et sœurs qui sont là? Bon, à ce moment, j'ai pas grand-chose, à part le passé qui me revient encore. Oui, on t'écoute. Bon, c'est mon passé que je vais peut-être en parler, sinon. Moi, je n'ai encore rien parce que, comme je t'ai déjà dit la dernière fois, que je traverse encore des moments un peu difficiles, des moments de touche là, de fatigue. Bon, c'est sur ça que je suis pour le moment. Voilà, donc, à part ça, Je pense que dans le passé, on n'a pas connu des lieux, hein, mais par de Dieu, nous sommes maintenant. Nous avons la vérité et donc nous suivons ce chemin-là. Mais c'est pas évident parce que, à ce moment, je suis maintenant seul dans cet élan. Les autres, quand ils découvrent la vérité, c'est là qu'ils viennent. Bon, tout récemment, ils ont fait même leur propre recherche sur la dîme, ils ont vu que la dîme n'est pas structurée. Donc, c'est là maintenant qu'ils ont dit que le frère Pierre avait raison. Pas la raison. Et ça, ça même, et gens m'ont appelé, le frère qui était à moi, il me voit ici. Que le Seigneur fait grâce, que maintenant, il a vu la vérité sur la dîme, qu'il ne s'est pas dédié. Donc maintenant, il a même accepté. Il a même accepté, mais il n'est pas d'accord avec lui et moi. Et moi, je le sens. Il veut que je le suive encore jusqu'à où ils sont, parce qu'ils ont reçu tout récemment des révélations. Que le Seigneur les a dit que bientôt il va leur donner son esprit, mais ils sont dans le péché. Ça, bon. Et c'est du bon, c'est bien. Pour moi, je suis toujours à la maison. Toujours à la maison ici. Et comme je n'ai pas de personnes qui sont proches pour me rassembler, c'est moi que c'est vous que je vais, comme un peu loin d'ici. Et ça, je n'ai plus quoi. Simplement, ici, à vous dire, il n'y a pas de personnes qui trouvent m'assembler. Voilà. Donc, ici, un peu comme ça. Et, en solo, mais je pense que je suis pas seul. Comme vous avez été là, je suis pas seul. Amen. En tout cas, tout témoignage, voilà. Amen. Donc, les témoignages que ce soit, j'ai écouté, en tout cas, moi aussi, édifié. Et ici, dans ce même cas-là aussi. Donc, ça m'a aussi remis en question. Par rapport au plan parallèle, je dois que moi, je suis aussi dedans. Et c'est moi aussi. Et si j'utilise. Depuis, je me suis réfléchi à ça. Comme ici, il ne donne pas les courants en quatre, là. C'est que c'est changeable, là. Donc, en ce moment, c'est vu, c'est que l'on fait aussi. Mais pas de quoi apprendre, parce que il n'est pas seul. Je vis avec quelqu'un avec qui on se met à ce. Tu mets ensemble pour voir les choses de la maison. Donc, ce n'est pas facile. Mais, avec ce que j'ai entendu, en tout cas, je ne sais pas que c'est le seul qui a permis ça comme ça. Si tu peux, le plus vite en règle. Tout ça est aussi ici dedans. C'est le chemin c'est la porte étroite. Voilà. Donc, il faut que vraiment. Ah, ok, donc c'est un peu ça. En tout cas, ça m'a aussi mis en question aussi. Sinon, depuis pour le moment, j'avais ça en tête aussi. Je me disais, mais est-ce qu'ils sont avec ce qui est souvent nous, bébé? Bon, quand il y a les contrôleurs dans le quartier, chacun coupe son courant, que chacun ait sa lumière. Je pense que c'est comme si on participe aussi à ça. Bon, moi, à mon niveau, ça me fait beaucoup mal. Mais comme je suis pas seul qui suis dans la maison, c'est ça que. Sinon, si ça l'intrigue à moi seul, j'allais mettre ça peut-être en prier, puis essayer seul, même étudier autre chose, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce. Ça sera encore mieux. Voilà, sinon, comme je l'ai dit là, c'est le passé, c'est eux aussi, vraiment, les frères peuvent. Moi, si ça peut faire plaisir aux frères, c'est que je vais se raconter, parce que c'est que tout la semaine, tu l'as junior. Quand j'ai commencé à l'écouter, en tout cas, ça a l'étonné beaucoup plus justement, parce que le passé, où sont passés, en tout cas, il y a des choses que nous avons entendues là-bas. Il y a même celui où nous sommes partis, nous étions en groupe, on était là-bas, chaque fois, il y avait comment dire ça, les prophéties, chaque dimanche, il y a des prophéties. Pendant longtemps, il y a des prophéties jusqu'à. Vraiment, c'est pas l'éternel, ça parle pour ça. C'est juste qu'on va changer, et vraiment, ils nous voient en costume, on nous voit ceci, cela. Bon, nous étions là-bas, mais moi, dans mon cœur, ce n'est pas ces choses que ce pasteur disait qui était mon problème. Nous, dans notre cœur, nous, on voulait expérimenter genre des choses du Seigneur. C'est ça qui était dans notre pensée. On voulait revoir au moins l'esprit. Tout ce qu'ils disaient, nous, ça ne nous disait plus rien. Tout ce qu'ils ont raconté, ça ne nous disait rien. Mais il est arrivé, on était là depuis le temps, jusqu'à un jour, il y a un petit qui est venu, et puis il cherchait l'esprit. c'était là notre départ. D'après ça, nous sommes quittés. Nous sommes allés aussi à CMCI, là, de la base nous sommes revenus au baptiste. Maintenant, avec les femmes que nous avons reçues, quand nous sommes quittés, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Mais quand j'étais là-bas, quand les gens m'en parlaient, bon, j'ai défendu aussi ma chose, plus ma domination aussi, et sur ma domination, moi aussi, je la défendais. Voilà, je la défendais. Et c'est normal que quelqu'un qui croit, déjà, fasse un peu de baptême avant de baptiser. Bon, moi, j'ai défendu là où il était. Moi, j'ai dit au frère, que non, tu viens quoi de ma érudition, mais moi, c'est là où il était. Mais c'est plus tard que j'ai compris. Plus tard, j'ai compris que le frère avait raison. Quand j'ai écouté les semaines fraîches au début, et puis j'ai eu ma foi dans la Bible, déjà le modèle, j'ai vu que ce n'est pas vraiment ça. Que plein sont écartés. Plein sont écartés. Donc, en tout cas, moi, qu'est-ce que là, je pense que ceux qui sont à l'intérieur, ils sont non plus. Mais j'étais dans. Quand en tout cas, ce qui fait peur, c'est quand tu es là-bas, tu ne sais pas que tu es dans l'erreur. C'est quand tu sors que tu vois toutes ces erreurs après. Voilà. Donc, c'est pas possible. Mais si c'est une grâce, c'est ça, c'est une grâce. Mais quand j'en parle à ceux qui sont là-bas, les fruits sont vrai bouché, ils veulent pas venir. Ils trouvent que c'est égaré, ils trouvent que bon, tu ne comprends pas. Ils doivent pouvoir revenir. Même Ferme ton micro, s'il te plaît. Ok, ferme. Ferme ton micro, s'il te plaît. Oui. Donc, il y a même une chèque qui m'a dit non, que l'homme de Dieu qui est là, il a l'esprit de Dieu, que le domaine soit parti, on arrête pour les choses. On a beaucoup de choses, que Nevada. Moi, j'ai dit carrément, elle me fait comprendre que, demain, moi, il lui parle là. En tout cas, après tout ce qu'il lui dit sur la dîme, sur ce qu'il faut faire pour plaire au Seigneur, tout ça, que c'est bien, que moi, d'aller faire une pastorale, et d'aller faire former, là, il y a une pastorale, là, il y a beaucoup de choses. Je dis non, qu'il faut aller enseigner, quand tu t'appelles, c'est pas que tu veux former, qu'il t'appelle réellement, il dit qu'il t'appelle, et toi, il dit qu'il t'appelle, c'est pas. Donc, il va aller me former par la raison. Si je m'habille, mais c'est pas, tu as raison. Elle sera frustrée. Mais moi, elle, en tout cas, elle, ce qu'il va faire là-bas dans sa demeure, si c'est pas mauvais, elle va faire. Tant que c'est pas mauvais, elle va faire. Si c'est dit, mais si le Seigneur ne parle pas, tu fais, que tu fais comment? Elle dit donc, si c'est pas mauvais, que c'est bon, elle est fait. Il dit d'accord, mais quand tu fais, qu'est-ce qu'il me désobéit? Elle dit, elle, si elle se met, elle bon, je ne veux pas trop insister parce qu'elle ne veut pas. Donc, je ne veux pas trop insister là-dessus. Voilà, parce que c'est ce qu'on enseigne là-bas. Voilà, c'est ce qu'on enseigne là-bas. En tout cas, je vois que là-bas, c'est un mélange de l'Ancien Testament, tout ce qui est les portiers, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, tout est mixé dans l'église. Il y a les chants là-bas, et tout ça. Et comme le fait, déjà, le lis souvent dans les enseignements, que les hommes souvent, ils font un programme. C'est-à-dire que quand tu viens matin, tu sais dans ce qu'on doit faire. Quand on vient, on sait il y a d'abord une session. Après, c'est une session. Après la session, les gens vont chanter. Après la chanson, louange. Ils vont maintenant la parole. Après la parole, maintenant, quelques temps maintenant pour annonce. Tout ça, en tout cas, c'est programmé. Donc, chaque jour, on sait ce qui va se passer. On sait tout ce qui va se passer. On sait. C'est pas les gens payent la même pastorale. Dans toutes les choses, en tout cas, je pense que ça s'embrouille. Ça embrouille, ça perd du temps, ça empêche l'homme même de voir, en tout cas, de se barrer. Chaque jour, c'est la routine. Chaque jour. Donc, toutes ces choses-là, en tout cas, je passe par là, effectivement, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps, en tout cas. Ça empêche l'homme même de s'apprêter pour l'enlèvement. Personne ne peut s'apprêter. Seulement que c'est comme une formation. Donc, du coup, quand nous sommes quittés, il y en a qui disent que là où nous sommes allés, Dieu n'est pas là-bas. Comme si Dieu était dans un temple. Donc, en tout cas, il y a juste une possibilité là-bas. Même mon frère, quand il est quitté, lui l'a appelé Lucifer. Mais je crois qu'il n'a pas gardé le silence. Et tout ce qu'il disait aux autres, sont allés là-bas, répliquer, ça a fait que bon. Ça a créé un peu d'embrouille là-bas. Mais nous sommes trouvés ici. Là où il est le frère, on se regarde que moi, je suis plus à eux. C'est parce qu'il a dit donc que. Lui n'a prié. Il dit n'a pas lieu plutôt, il c'est toujours un peu prié. Mais comme le jeu a donné le nom à l'assemblée, moi je ne peux pas aller encore mettre là-bas. Ben, ça pose déjà un nom. Ça pose déjà un nom. C'est une détermination. Parce que ça dit n'importe quoi, il n'y a pas de mettre dedans. Même le frère, il a dit au frère, en tout cas, il a lui-même, j'ai demandé au Seigneur, si lui-même il a appelé comme pasteur dans cette assemblée. Parce que lui, il est comme prédicateur. l'obligataire. Maintenant, quand il y a un financement, lui, il vient contre le financement. Il cherche des failles pour voir tout ce moi. Tout ça pour que moi, je revienne avec lui là-bas. Donc, voilà, tout ça, il veut que je revienne avec lui là-bas. Mais moi, il ne veut pas revenir là-bas. Il dit tout simplement, les affaires grâces, il a parlé à travers son un jeune là-bas que vraiment, il veut donner son esprit, mais il y a le péché au milieu. Mais il dit l'Éternel, il dit c'est l'Éternel qui vraiment il veut donner son esprit, il veut donner son esprit, le père va passer le petit à donner son esprit, il dit donc il veut le donner, mais il y a le péché au milieu. Donc c'est ce qu'il m'a dit et quand il s'est rendu visite, il m'a dit bon, donc tout cela, ça bon, moi je vois ça, mais ça m'attire pas, parce que ce que moi je cherche, c'est pas. Ouais, c'est pas, disons, seulement qu'à m'assembler, puis prier, mais moi, je veux avoir aussi une communion avec le Seigneur. Ouais, c'est ce que moi, je cherche. Je cherche à me rassembler, puis moi-même, je cherche à nettoyer tout ce qui se trouve à moi. Parce que je vois que, derrière comme devant, il n'y a encore rien à gagner dans ce monde. Il n'y a encore rien à gagner. Même que ce drame, je vois, celui-là, je suis calme, il me dit ça bizarre. Tu vois, il me pose la question. Le drame, il fait ce qu'il gagne. Est-ce que tout ça peut m'envoyer quelque part? Même que ce soit une famille, eux, ils me disent que moi, j'ai fait aussi pour travailler, pour gérer l'argent. Parce que mes soeurs, ils les nourrissent. Là, vous l'avez dit, moi. Et ça, moi, je dis que, ah, moi, je suis pas venu sur des poissons. Que je suis chacun là pour un but, c'est pas pour se marier, faire des enfants, et c'est pas ça. Que chacun a appelé devant Dieu à rendre compte à sa vie qui passe sur terre. Donc, le mieux que l'homme, ce que dans l'homme a fait, c'est de chercher à devoir se préparer. Vous voyez, la mort, c'est un passage. Donc, on est sur la pour quelque chose, c'est pas pour faire des enfants. C'est vrai que l'enfant doit venir. Mais quand ils viennent aussi, nous, on a aussi un rôle à jouer. On doit leur montrer le chemin qu'ils doivent prendre pour retourner. Donc, quand ils disent ça, ils sont pas contents. Parce que eux, ils regardent les choses d'ici. Ils regardent tellement ici. Bon. Ils pensent qu'il est. Mais souvent, ils disent la vérité, et puis moi, je suis quitté là-bas. Voilà. Donc, ils disent la vérité. J'ai attaqué leur fils. Mais en tout cas, si moi, c'est l'aventure du Seigneur, en tout cas, que je veux les aider, en tout cas, moi, je suis prêt à les aider, c'est ce que le Seigneur me donne. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. C'est moi, pour ma part, la vie que j'ai, là où j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, quand moi, je tourne pas en arrière, ça me fait honte. En tout cas, moi, ça me fait honte. En tout cas, là, tout le monde est passé. Mais je ne veux pas que le Seigneur ait permis ça, que nous passions dans tous ces endroits. Parce qu'il veut nous enseigner. Voilà, il veut nous enseigner. Sur des enseignements, CMCI, Evre Mission, tous ces lieux-là. Nous avons traversé, passé jusqu'à aujourd'hui. Et tous payent dîmes. Souvent même à eux, c'est terrible. Là, on fait, non seulement on paye dîmes, offrande, en plus, on paye encore la main du pasteur, les mêmes pastorales. Souvent aussi, le Dieu, c'est-à-dire que le père de la mission, souvent, quand il va en Europe, c'est d'abord toute l'église et une mission qui doit cotiser et lui atteindre son pour le donner pour qu'il puisse voyager. C'est comme si eux sont là pour lui. Quand il avait quelque chose, c'est l'église, toute l'église, les gens baptisés, les missions sont dans toute la Côte d'Ivoire qui doivent cotiser pour l'amener. Ça, c'est en dehors du mouvement. Souvent, on dit que le vieux doit voyager, il avait des 20 000. Donc, chacun doit se mobiliser pour donner quelque chose. Il faut qu'on trouve 20 000 là maintenant sortir. Souvent, même quand ça ne s'est pas atteint, on ne sort pas. Les gens, nous font attendre. Jusqu'à même, ils disent aux gens de prendre engagement. Quelqu'un a pris engagement pour mettre le poudre, après le but. Toutes ces choses-là, en tout cas, plein sont dedans. Tu t'en vas même là. Tu te dis, tu veux pas mettre en paix. Tu dois faire plein sont restés. À ce moment, le coin est bien arrangé, bien climatisé. Donc, bien arrangé là-bas. Donc maintenant, c'est pour attirer plus de gens. Donc toutes ces choses-là, je pense que les hommes sont à des bâtiments pour attirer les gens, former des disciples. Et bien, toutes ces choses-là, en tout cas, chaque année, plein de passages sortent. Ils sortent en grand nombre. Et puis, on les a fait dans les différentes églises. Ils vont, c'est ça, tout ce qu'ils vont prêcher et d'être sur papier. Souvent, on donne des fiches qu'ils donnent sont distribuées dans le monde, sont distribuées partout. Tous les églises ont ça. C'est ça qui est tout enseigné. C'est comme catholique, c'est même chose comme les catholiques. Il n'y a pas de différence même. C'est d'avoir en fait, trois mois de baptême et de baptiste. t'as tout enfin, donné 3 ans, et puis bah, c'est la même chose. C'est la même chose. On me baptise dans la piscine, là-bas, c'est la piscine. Où les gens, il y a. Mon boule, les gens, ils veulent baptiser, ils baptisent des gens. Mais quand pour quand baptisé, c'est quand tu es baptisé que tu as le Saint-Esprit. Donc, avec l'enseignement que j'ai toi, j'ai entendu de frère jeunesse, ça a lavé beaucoup de choses à moi. Ça m'a fait vraiment concerner beaucoup de choses. Beaucoup de choses fraîches. Plein. Donc, aujourd'hui, en tout cas, quand même, j'irai un peu sur le domaine, sur le nouveau chrétien, sur le paysage que tu évoques vraiment. C'est plus quand même, disons, dans les ténèbres, même sans dans les ténèbres. Comme le frère Junior a déjà dit, que le Seigneur va maintenant envoyer ses enfants. C'est vrai pour préparer ses enfants par plusieurs moments, c'est vrai. Il a dit d'enlever ses enfants un à un dans ces choses-là. Pour que ses enfants soient sans préparer. Ainsi, le Seigneur n'est plus là. On s'en passe, ça vient dans cette. Il n'est plus là. Tout est humain, tout ce qu'il en font maintenant, ça avec la directive. Tu vois, quand tu pries, on dit non, que mon frère, fais vite, et tu as tel temps, parce que tout est suivi. C'est vrai. N'est pas libre. Même mon frère l'a donné, même on était à CMCI, mais le frère a vu les gens avec des mèches, et deux ont porté les habits manches pour faire la scène. Après, quand ça nous dérangeait, quand le frère s'est mis maintenant pour dire que lui, il a un fardeau, il va dire son fardeau qu'il a sur le cœur. Quand il est venu, et puis il a donné le verset. Quand il lise, automatiquement, ça la concerne. Peut-être que j'étais en joie. Il veut même dire quoi, de celui-là, il y a un mariage. Quand le professeur a dit non, qu'il va démarrer ici, là, ça a crié, il a des joies. Tout le monde est content. Et j'étais content. C'est ça, ils aiment. Mais quand le frère a envoyé le verset à moi, donné bis, eux, ils n'ont pas trop lu le second, c'est passé courant. C'est ça, ils aiment beaucoup lire. Donc, quand ils disaient la version, c'était clair encore. Donc, du coup, ça, sur les ornements, sur l'habillement de la femme, tout ça, eux, tous sont une calme, tout est une calme dans l'église. Ils sont une crise. En même temps, quand, au moment où ils donnaient, les gens qui étaient assis là, ils disaient donc, ah frère. Le temps. Donc, ils l'ont stoppé. Ne pas fini, ils l'ont stoppé. L'un, comme le matin, tu as une notation ou une instruction. Et ça, lui, l'État est de donner pour qu'il analyse. N'a pas besoin d'analyser. Il donnait son emploi en lisant. Et il voit qu'il a le temps. Il est tout de contrôler. Il a dit qu'il n'a arrêté parce qu'il a le temps. Et qu'il a arrêté, le frère a pris le micro. Il dit non, effectivement. Qu'est-ce que le frère a dit à raison? Tout dit qu'il est bon. Mais après, il a envoyé maintenant chose. Ce que le frère a dit, il dit non, que c'est parce que. Il dit lui comment le frère, parce que le frère est passé dans plusieurs coins. Tu vois, la dame, fait d'abord les choses sur la parole de Dieu. Il dit parce que le frère est dans plusieurs endroits. Qu'est-ce qu'il a fait quand il comprend? Et quand c'est fini, il n'y a pas un mec qui est venu vers le frère. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu le frère pour dire, ah frère, c'est ce que tu as dit, tu as raison. Il n'y a pas un. C'est celui qui nous fait. Ils aiment l'assemblée, c'est-à-dire qu'ils aiment leur église. Ils aiment l'assemblée, voilà. Ils aiment beaucoup leur mission. Ils aiment ça. Mais ils n'aiment pas la parole. C'est là que nous, on a compris les choses. Mais une fois, même, là-bas, on vend les livres, les trucs. Quand, même le jour où ils venaient, ils vous disent, oh, il y a une fille qui a su une prophétie. Et donc, pourquoi est-ce que tu vas faire du commerce dans la maison? Tu fais du commerce, il y a plein de pasteurs, ils sont en fait. Il a dit, j'ai trouvé la fille qui poussait du trou. Pourtant, c'est vrai, ils vendent les livres. Nous, quand on voit ça, nous, on suit là-bas, on quitte. Mais ça peut dire qu'ils font autre chose. C'est-à-dire qu'ils parlent du péché, ils parlent de l'évangile, mais ils font du commerce dans. Et je suis dans l'assemblée. On peut faire un livre, comment avoir un gueule plus 4 000, on dépose. Comment vous avez un lien familial 3 000, on dépose. Ça veut dire quoi? Dis-nous qu'après le culte, si vous êtes intéressé, peut passer. Les gens prennent un livre, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça qu'aujourd'hui, là, on n'ira plus la parole, aujourd'hui, il y a maintenant les livres. Et tout ce qu'on doit avoir, si c'est dans un livre, comment avoir un bûche, c'est dans un livre. Donc, je vais former la Bible. Non, la Bible n'est pas très importante. On prend le livre, on se réveille sur la Bible. Donc, toutes ces choses-là, on est passé là. On est passé là, alors, figurement, il y a trop de choses. Donc, même, c'est un peu comme les gars. Pas d'évangéliser, il y en a des livres. Parce que tu de nos gens. Pourtant, ces gens sont dans les réseaux des donations. Mais eux, ils veulent quitter les donations pour aller dans, chez eux aussi. Dans l'âme, c'est aussi une donation. Ils appellent les autres. Ce sont les sectes. Mais eux, ce n'est pas différent. C'est la même chose. Donc, si tu vas entrer dans ces endroits, tu vas savoir si tu ne seras pas. Si tu veux dire que ça s'assemble, ça s'assemble, tout comme ça s'assemble souvent à la maison, il faut que tu sais bien. Mais il y a les choses qui se passent là. Même les, c'est-à-dire que Saint-Saint-Name, là où c'est perverti. On prend le pain, le vin avec Bissap. Moi, quand j'ai vu ça au départ, ça m'a fait bizarre. J'ai vu ça, moi, c'était vin. Mais quand le jour que c'est là que j'ai je ne sais pas comment son modèle, c'est parce que lui-même, c'est pas ce que lui-même il a recommandé. Non, il n'est pas agi, mais il n'est pas là. Là où ça n'est pas du tout, à tout moment, tout ce qu'il y a pris. Comme moi, je veux maintenant avoir une expérience avec lui. C'est ce que je cherche maintenant. C'est ma vie. C'est toi qui es là. Donc, c'est quoi, j'ai voulu partir. J'ai pas vous. Voilà. Quand ça, peut-être, aussi grâce à Dieu, parce que sortir dans ces cellules-là, c'est des années. Quand tu es 10 ans, à qui tu fais 10 ans là-bas, tu fais 20 ans. Donc, tu ne peux pas les convaincre, ce qu'il veut dire. Oui, moi, je voulais savoir, frère, lui, il est dans quelle commune, habitant? Dans moi, je suis à Bécane. À Béni? Oui. On a dit mal à Tatin, on n'a pas saisi ce que tu as dit, mon frère. Le réseau n'est pas bon. D'accord. Le ne pas oublier, mais ça vous dit. Ah, déjà, vous dit. Vous le bateau passe. Ah. Oui, vous dit. D'accord. Voilà. Merci, parce que. Bon. Oui, c'est bon, il est là, fini. D'accord. Donc. Voilà, donc il a dit comme ça que. Voilà, au commencement, mon frère. Oui. Il est là le matin. Oui, attends. Voilà. Tu as dit comme ça que tu as une difficulté. Et à part ça, tu as déjà expliqué à le frère. Je ne sais pas à qui il s'est tourné parler, mais peut-être il ne t'a pas encore vu. On ne s'est pas vu. Thierry, oui. Tu as déjà voilà, un ami que tu connais déjà comme femme déjà. Non. C'est un frère seulement que j'ai. Mais à tout le mari. Ah, non. Et maintenant, tu es célibataire ou bien tu as déjà une femme? Non. Moi, à tout appel, il a eu ce mari ma vie parce qu'on a travaillé, comme on a passé dans les endroits. Okay, il dit toi-même, par être habité par un esprit. Et beaucoup aussi, il y a des cas. Tu as bien venu aussi, comme pour toi-même, peut-être par la façon, les choses que tu regardes, et par tes convoitises, ça peut arriver. Parce que voilà, moi-même, mon expérience. Au début, il était encore dans le monde, j'avais une camarade. Oui. Avec elle et moi, écoute-moi très bien, c'est une chose réelle, comme tu l'as dit, c'est concernant sur. C'est comme je suis en train d'avoir un rapport avec elle, et quand il est fini, il fait un rapport net, je me réveille. Et ce qui m'étonne, si au moins je n'aime pas de femme, il pourrait dire que peut-être je n'aime pas de femme auprès de moi, peut-être qu'on va, comme ils sont en train de combattre les fictions audio, soit par la télévision, par les. J'étais encore dans le ténèbre, je ne faisais pas attention. Tu vois, non? Donc, jusqu'à avec la soeur, à chaque fois, de la nuit encore, ma gueule est là, l'esprit a vient encore me visiter. Donc, cet esprit me fatiguait beaucoup. Mais ce qui m'a fait beaucoup mal, je suis même allé chez mon grand frère à Tchassalé. Et c'est arrivé à Tchassalé, dans la journée, je suis fatigué. Je dis, bon, j'aime me reposer encore un peu. Ouais, tu connais ça un peu, non? Oui, voilà, il y a aussi qui est. Voilà, et aussi là-bas, ils étudient les croix, ils se possèdent devant les croix comme les catholiques font là. Donc, dans mon village, il y en a aussi, ils sont partis là-bas pendant la crise là. Je suis arrivé à la maison avec ma maman. Il y avait une tante qui est venue à la maison pour demander après moi. Il dit à la veille, où est ton fils Yahou qui est quitté à Abidjan qui est venu là? Il dit à mon fils qu'elle a quitté. On dit non. La femme prophète là demande qu'il n'a qu'à venir. Puis elle a reçu une révélation sur Yahou. Et suis-moi très bien. Oui. Et quand je suis parti, je suis arrivé. Elle-même ne me connaissait pas, mais l'esprit là lui a dit que moi de venir. Donc elle a délégué qu'elle est venue me chercher à la maison. Quand je suis parti avec ma personne arrivée, elle a dit comme ça que j'ai un esprit de nuit, j'ai une couche de nuit, un mari de nuit. Ça me fatigue qu'il est avec moi. Et voilà ce qu'il a dit. Cet esprit-là ne veut pas avoir une femme qui a le teint noir. Et tu vois. Donc la seule question avec moi, comment elle a le teint noir, c'est à cause de ça même. Elle et moi ne s'attendait pas. Puis donc, quand même la fille, même elle avec moi comme ça, souvent on n'est pas ensemble, mais quand on est ensemble un jour, il y a les histoires bizarres qu'il y avait entre moi. C'est qu'on s'attendait, mais on ne s'attendait pas. Que c'est l'esprit là qui vient et puis il fait ces choses, que non. Pour que je puisse être en l'aise, de chercher au moins de laisser même la fille. C'est ce qu'elle m'a dit, hein. De laisser même la fille qui a le teint noir, de chercher une fille qui a au moins un teint bronzé comme moi, ou soit où elle est claire. Que s'il y a une femme comme ça, les esprits là seront d'accord. Comme il y a dans le monde, qu'elle a dit, il dit d'accord, il a compris. Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en disant, voilà la femme qui est avec moi, ma camarade, j'aime ma camarade. Comme ça, elle m'a rien fait, elle ne peut pas la quitter. Il dit, ah, vous êtes dans le jeu maintenant, quand on voit quelque chose, on vous dit là, vous cherchez à vraiment trouver ce que vous voulez. En tout cas, moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit, je te le dis. Il dit, d'accord, mais pour arranger pour que ma femme là, puisse vraiment rester avec moi, pour qu'elle me quitte là, qu'est-ce que je vais faire? Elle m'avait recommandé d'acheter le savon BF là, le groupe BF là. C'est quand on voit même entièrement un à 500 là, à Bélier ici. D'acheter, on dirait 5. Et puis d'acheter, on dirait 5 complets de pain comme ça. Les pains des femmes là, 5 complets. De l'envoyer, et puis plus une somme de 15 000 francs. Or, ensemble, pendant ce moment, on était au village là-bas. Et je n'ai pas de moyens. Pendant la crise. Vous m'entendez, non? Oui, oui. Voilà. Non, je n'ai pas eu l'argent pour acheter, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais comme moi, c'était aussi quelqu'un aussi beaucoup curieux. Quand j'ai arrivé à Abidjan, il dit, ah, c'est qu'ils m'ont dit là-bas. Moi, j'ai cherché à les amener à Abidjan ici. Donc, j'avais une université ici, un jour ici dans mon coin. Elle est venue causer, elle m'a dit, ah, elle a découvert un monsieur qui était à côté d'Abobo ici, le quartier Andokwa. Et le monsieur, il est fort, que vraiment, quand tu arrives chez lui, tout tous tes problèmes, là, il voit. Et c'est le même DMA qui était là-bas. C'est le même, la rassemblée, la mission qui m'avait parlé du même truc là. C'est la seule question, même là. On s'est même pas vu, hein. Je sais pas qui l'a conduit chez moi. Là. Il est venu m'expliquer, là, si il m'avait chez le monsieur, s'il y a des problèmes, même, il peut m'aider. Donc, j'ai pris mon transport avec la sœur, elle m'a indiqué, c'est parti seul. J'ai trouvé l'endroit quand j'y suis arrivé. Eh bien, frère, je vous dis, la même prophétie, la même révélation que la dame en question a donnée au village là-bas, ça qu'elle a dit, même s'ils connaissent, hein, le monsieur en question a donné la même révélation aussi. Il dit, ouais, c'est qu'il y a un problème. Que vraiment, l'esprit n'est pas une femme qui a le teint noir, mais il veut une femme qui a le teint clair. Qu'est-ce qu'il trouve ça? Mes affaires vont commencer à marcher, tout ce qu'il veut faire, en tout cas, mes affaires vont commencer à prospérer. Donc vraiment, là, il vient avoir une femme, elle vient avec moi, il peut être à l'aise avec elle. Et quand il a dit ça net, mes idées ont changé. Ils avaient deux. Et les deux se connaissent pas. Ils se disent, c'est même pas les... Quand il a dit ça, il n'a rien dit. Il dit, bon, d'accord, moi aussi, je suis curieux. Je vais chercher encore à aller à quelque part encore. Je suis allé encore après 18. Là, c'était un marabout maintenant. Je suis allé chez le marabout. Je suis arrivé. Ah, c'est un de mes messieurs, un de mes clients qui m'a envoyé là-bas. Ils avaient croisé. Quand il s'est arrivé, il dit, ah, allez, voilà le marabout qui est là. Je suis rentré dedans, le monsieur. Il dit, consultation. Il dit, comme il dit, c'est ça. Il dit, c'est pas ça qui est le problème. Je suis venu. Moi, il veut savoir un peu sur ma vie. Tu vois, non? À ce moment, même mes camarades, ils étaient deux. Mais les deux copines sont des têtes noires. Il n'y a pas clair dedans. Mais quand j'ai arrivé, lui qui était le marabout a trouvé une. Il dit entièrement, tu vis avec une fille. Elle a été noire, elle est claire. En tout cas, il a fait une précision très bien. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ ne se révèle pas à nous, si nous vraiment ne connaissons pas sa parole, Satan va venir dire même les choses. C'est qu'il est blanc, il va dire que c'est blanc. Et tu vois. Si quelqu'un vient de dire, mon frère, ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, il est très difficile pour toi de dire que c'est faux. Parce que la révélation qu'on te donne, c'est vraiment réel. Quand on me dit que ça n'a pas donc, il est vraiment facile. J'ai deux copies. Mais il me dit que j'ai une copie. Qu'avec telle copie que Messe là, elle a le teint noir. Et l'esprit qui derrière moi ne fait pas ça. Il y a une femme de nuit qui est avec moi, il ne fait pas cela. Seulement qu'il a bien dit, même par homme, seulement ce qui a été, il a un peu prolongé un peu de son côté, il a dit que j'ai une seule copine. Or, à moi-même, il savait qu'il y avait deux copines. Elle a dit ça. Voilà. Il m'a dit que non, ah, mais pour que tu puisses vraiment, tes affaires puissent vraiment marcher, il faut que cette fille-là, tu la laisses. C'est la même parole, elle disait. Il dit, mais ah, elle ne sait rien fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Il me dit d'envoyer 20 000. Plus que sa cotisation, ça faisait, me faisait 20 000 ou 500. Que si j'envoie, il va me faire un médicament. En demandant au chevet de lui, où est la fille même dort, il dit, mais médicament qu'il va me donner là. Il ne sait pas c'est quoi, ouais, mais en tout cas, il n'est pas plus fait un médicament. Il m'a dit que ce qu'il va me donner là. Il dit, mais ça au chevet de lui, de la soeur. Là, quand il va dormir là, ou soit quand on va manger là, ça nous dit qu'elle va manger. Il va me donner aussi un certain pour demain, ça dans sa nourriture. Quand il va manger, puis elle met aussi, là, il va dormir dessus. Elle va me détester, puis elle va partir suite. Là, il ne va pas dire que c'est moi, je l'ai laissé. Donc, il a compris. Quand il a ça, il a compris. Il dit, ton contrat, c'est combien? Il dit, c'est 500. Il a pris mes 500, il a donné, puis il s'est appelé le frère. Quand j'ai arrivé, il dit, il est mieux que moi, il dit à la fille que je t'aime pas, que c'est en aïe, que je prends un médicament pour faire pour que même arrive à l'aide fille. Mais il a pris cela au sérieux. Je vous l'ai dit, hein, il a pris cela au sérieux. Ma femme en question qui est avec moi aujourd'hui, voilà comment ma femme, j'ai cherché cette femme qui est avec moi aujourd'hui. En ce moment, je connais pas le Seigneur. Hein. Il était avant la crise même. Et là, maintenant, je faisais mes balades depuis j'ai croisé la soeur Sabine qui est avec moi aujourd'hui. Je vous le dis, étant là-bas, avec tous mes camarades, là, quand ils savaient que cet esprit là me visitait, il y avait même les milliers de filles. Vraiment, si les femmes là, il y avait beaucoup. Là, je vous confirme cela. Il y avait beaucoup. Et c'est un garçon, c'est comme vous le savez, c'est un garçon très séduisant. Il sait vraiment, vraiment marquer les jeunes filles. Donc, vraiment, c'est là. En tout cas, j'ai un talent dans le langage. Donc, vraiment, c'est facile pour moi pour trouver les moyens pour vraiment avoir des filles. Oh, il était dans le faux, Satan me utilisait pour faire ces faux trucs-là. Et quand il a croisé la sèche, elle a l'église. Quand il a croisé la sèche, Sabine, il dit, bon, d'accord, mais il a croisé la sèche, Sabine, je vois maintenant. Mes frères, quand j'ai croisé la sèche jusqu'à présent, je n'ai pas eu cet esprit avant de croiser le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand j'ai croisé la sèche, c'est un témoin réel. Quand j'ai croisé la sèche, Sabine, avant même qu'il croise le Seigneur Jésus-Christ, quand il a croisé, et cet esprit m'a appris visité. C'est un. Et maintenant, ça va même maintenant parce que cet homme, il n'a pas vu ça. Il m'a donné des personnes, ils m'ont dit que non, l'esprit n'est pas parti, mais il est là. Mais s'il me fait baptiser là-bas, ça va couper. Toi, c'est ce qui m'a amené là-bas. Mais quand il me s'est baptisé aussi, j'ai vu deux songes et trois songes. Et les trois songes, ils sont suivis trois jours. Il me s'est dormi aujourd'hui, j'ai fait songe, lendemain, après demain, j'ai fait songe. Et il y avait trois soeurs, ils sont mes soeurs, hein. Il y avait mes trois soeurs. La première songe, c'est la première qui était venue la grande. J'ai cherché à y faire des rapports comme habituellement il fait dans mes songes. Il a fait toutes mes possibilités et je me suis revenu, je me suis réveillé, je suis sorti zéro. Je me suis réveillé, il n'est même pas fait comme on fait habituellement, il n'est pas pu avoir rapport avec cet esprit. En tout cas, il y avait la peau, il faisait tout. Il me réveillait, il me touchait, il dit, mais ça c'est ma première fois de voir que je puisse faire l'amour avec une femme dans mes songes. Et puis je me lève, il n'allait même pas à vraiment agir. Et le lendemain, il n'est pas dit, parce qu'il m'a dit que s'il me baptise là-bas, ça va couper. Mais mon frère baptiste, la chose qui m'avait quitté, étant ma femme, c'est m'avait quitté quand il croyait Sabine. Et il me fait baptiser là-bas, et puis l'esprit est venu me visiter encore la nuit. Mais ce qui mes frères bien-aimés, il n'a pas pu avoir des rapports sexuels avec cet esprit à la nuit. Et il est dormi encore le lendemain. La soeur en question, la grande, sa petite soeur, celle qui la suivait, dans mes songes encore, elle était avec moi encore dans mes songes. C'était comme c'était elle. J'ai fait toutes mes possibilités pour de coucher avec elle, ça n'a pas marché. Je me suis réveillé. Ça, c'est ma première fois depuis l'esprit de visite. Ma deuxième fois, je vois de faire l'amour avec ça dans mes songes. Et je n'arrive même pas vraiment à agir comme il fait habituellement. Et la seconde fois, c'est la dernière, là, ça s'appelait Nadine. Ce sont mes soeurs. C'est ma enfant, hein, ma tante. J'ai fait avec elle encore jusqu'à quand je me suis réveillé encore sans. Et quand les trois jours sont passés, mes frères, je l'ai plus vu. Il y a une semaine après, j'étais dans l'assemblée pour aller dans le témoignage. Qui a vraiment, vous m'avez donné une invitation pour dire que j'ai une couche de nuit qui me fatiguait avant. Que l'esprit n'est pas fatigué, il est là. Que la maman, ça y est là, mon mari va se séparer avec ma femme. Que je me baptise, l'esprit n'est pas fatigué. Quand je me suis baptisé, voilà deux semaines après, voilà ce que j'ai vu. Et quand j'ai eu ce témoignage, ils ont prié pour moi, dit non, c'est fini. Et jusqu'à présent, je n'ai plus vu ces choses jusqu'à présent. Et c'est après cela, j'ai vu aussi là-bas que les trucs bizarres, ça ne passait pas bien. Quand j'ai croisé le frère Gino, par exemple, c'est moi qui m'a donné. Et je me suis vraiment répondu sincèrement. C'est pourquoi j'ai dit, il y a deux volets. Si par exemple, mon frère, tu as une femme auprès de toi, et tu me dis que vraiment tu es chrétien, tu as cru en Jésus-Christ par la foi, et tu as été baptisé, tu es sauvé, et tu es avec Jésus maintenant, Jésus avec toi entièrement, que tu as une femme qui auprès de toi, que l'esprit a été visite, c'est que tu as besoin vraiment de la délivrance. Et tu vois. Mais si aussi tu me dis que tu travailles des femmes, que tu es encore célibataire, je peux te comprendre. Parce que tu es un homme, tu n'es pas un homme impuissant. Peut-être par les images que tu regardes à la maison, ou soit aussi par les envies, parce que j'ai dit, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, par la semaine des frères du Nord, qui m'a exhorté un jour, quand le Saint-Esprit vient en toi, cet côté-là, le Saint-Esprit n'ennuie pas ce côté-là. Il n'ennuie pas ce côté-là, ça est là. Mais c'est à toi maintenant d'avoir une maîtrise. Et tu vois, ça, il parle de la maîtrise de soi. Donc, il faut que tu aies une maîtrise ça, par là. Mais pour que cela, mon frère, ça puisse, il faut que tu te donnes tout entier à Jésus-Christ, mon Seigneur. Et quand toutes tes pensées sont, comment on appelle, toutes tes pensées sont calculées sur Jésus-Christ, sur la parole, mes frères, mon frère bien-aimé, ça va se disparaître en toi. Et de là aussi, il faut que aussi, si le Seigneur a destiné pour toi, pour que tu puisses avoir aussi une femme, ben, pour moi, que vraiment, si c'est sa volonté, que ça va tout à fait pour que ta femme puisse venir auprès de toi. Ce sont ces choses là, peut-être aussi peut-être que tu es possédé par un esprit vraiment des eaux, mais aussi peut-être aussi que non, par tes pensées, par ta propre convoitise, les choses que tu vois, par les imaginations, par ton envie, l'esprit, par l'imagination, l'esprit peut te violer comme ça. Ça, on appelle ça le viol spirituel. Il peut te violer comme ça, il peut te utiliser la nuit. Tu vois cela? Donc, par là, Jésus aussi fait beaucoup de choses. La manière entièrement, tu es zélé, tu sais que Jésus est réel, par ton témoignage, notre Seigneur Jésus, quand il vient en lui, il crée tous les trous, tout ce qu'il fait pour toujours avoir envie de chercher encore de plus, de le connaître davantage. Parce qu'il te donne tout un coup, mon frère, tu vas sortir, tu vas dire, ouf, je suis arrivé, donc je n'ai plus besoin. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu doux. Mais quand il vient à lui, quand tu es vraiment zélé pour le chercher vraiment sincèrement, il crée tout ce qu'il faut pour que tu aies toujours soif. Même si on te donne la nourriture spirituelle, donc toujours la parole, ils vont même te montrer, tu vas aller voir Jésus vis-à-vis, mais comme tu es pour lui, pendant que tu es encore sur la terre, il va toujours créer ces choses pour que tu aies toujours avoir soif, l'envie toujours de chercher encore de plus de tout ton cœur. Donc le Seigneur permet à tous mon frère bien-aimé, pour que nous le cherchions encore davantage. Ce n'est pas un problème, mais ça c'est pour toi, il faut te rassurer que vraiment tu crois vraiment, c'est vraiment sincère avec lui. Quand ta confession est sincère avec lui, mon frère, Satan peut te menacer, mais en tous les coups, mon frère, que soit l'alpha, toi, tu vas lever parce qu'il nous a dit, mes petits enfants, ne crains pas parce que j'ai vaincu le monde. Si tu crois cela, mon frère, il faut persévérer dans la parole. Il faut que vraiment, il faut chercher des frères qui sont sincères avec la parole. Mais toi-même, d'abord, hein, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, sait tout dans le cœur. Il faut que tu aies dit, quand tu reviens avec les frères, ce qu'ils sont, parce qu'il a dit, si deux personnes s'accrochent sur la terre ici, il lui demande quelque chose, il va les exaucer. Donc, mon frère, hein, nous sommes réunis. Là, nous sommes, depuis on est là, quelques heures, on fait prononcer ce nom-là, ce nom saint. Donc vraiment, mes frères, mon frère bien-aimé, ce qui sort sur tes lèvres là, il faut que cette parole vraiment vienne pour profonder dans ton cœur. Le Seigneur vient dans le cœur. On ne blague pas le Seigneur. On ne se trompe pas. On ne peut pas se manquer de lui. Il sait toutes choses. Donc si ta confession est sincère, mon frère, ne crains pas. Peut-être qu'il te permet vraiment ces choses-là. Oui, une but vraiment précise. Ou t'amener à quelque part. Bon, mon frère, vraiment, sois en paix. Si tu crois vraiment que tu as cru en Jésus-Christ, notre Seigneur, sois en paix et que ta foi vraiment soit sincère. Et que vraiment tout ce que tu vas dire à tes frères, il faut vraiment que ça soit sincère. Et quand c'est comme ça, mon frère, Jésus-Christ, notre Seigneur, quand le moment va arriver, si vraiment c'est un esprit qui est en toi, vraiment, comme je l'ai dit, il va te délivrer. Parce que le Saint-Esprit n'est pas habité par un esprit impur. Là, c'est un esprit saint. Et il est vraiment puissant. Il est vraiment puissant quand il est en toi, mon frère. Ce n'est plus toi. Si Paul dit que c'est moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Vraiment, il faut être sincère, il faut le demander. Si tu demandes vraiment, comme Marc nous dit clairement, tu demandes seulement avec la foi, mon frère bien-aimé, tu vas recevoir ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Par rapport à ça, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais moi, à mon niveau, c'est quand je reste en contact avec souvent la parole. C'est vrai que ça m'arrive la nuit. Quand je médite souvent sur la parole, D'accord, mon frère, reste béni, mon frère. Si il y a un autre sujet, s'il n'y a pas de sujet, on va essayer de prier, puis vraiment, je vois comment on va prier. S'il n'y a pas un autre sujet, les frères bien-aimés, Olivier, mon frère, qui est là, mes amis? D'accord. Non, on est resté sur mon frère. C'est ça, non, je suis là. Comme j'avais désactivé mon micro. Ah, d'accord. Donc, c'est que moi, je suis en train de dire, que bon, d'accord, s'il n'y a pas un autre sujet, mes frères, oui, il va que vraiment on a partagé vraiment un moment. Voilà, que chacun se repose un peu pour que le Seigneur accorde la grâce pour qu'on puisse pousser un autre jour. Pour changer vraiment, c'est vraiment même. On va un moment comme ça pour se réunir comme ça pour certains témoignages de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, il voit que Jésus-Christ, notre Seigneur, il a su son trône, vraiment, il est vraiment un toi. Il est vraiment cela. Donc, ma prière ici, il nous accorde aussi encore la grâce, parce que nous puissions aussi encore le certaines choses de plus, pour que vraiment l'adoration, la confession, et tout puissions nous enlever. Mon frère, mon frère, il y a du bruit chez quelqu'un là, je ne sais pas c'est chez qui. Quelqu'un d'autre. D'accord. Non, vraiment, il y a un Seigneur Jésus-Christ, il y a un Seigneur Jésus-Christ, et l'honneur, la gloire, vraiment, revient toujours à lui, au siècle, au siècle. Le Père, restez béni. Que la paix du Seigneur, vraiment, soyez béni. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Donc, shalom à tout le monde, shalom à tous les frères, shalom à, à toutes les sœurs, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Oui, ma sœur, c'est tout. Bonne sœur, elle est encore là. Bonne sœur. Bonne sœur. Bonne sœur à vous tous. Amen. Amen. Bonne sœur. Amen, amen, frère Junior. Amen, aussi, frère Junior, sois béni. Amen, amen, mon frère. Mon frère, on prie pour toi. Vraiment, c'est notre frère de l'église. Sois béni, mon frère. Bonne nuit à toi. Amen. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à chacun de vous. Amen, amen. Je vous bénis pour tous. C'est tout. C'est tout. C'est à lui. Oui. Bon, moi, excuse-moi, voilà. Donne-nous un peu les nouvelles de la soeur Yvonne, là, son état de santé. Elle est venue à l'hôpital. Tu es à l'hôpital, d'accord. Ça me vaut combien? 27. 27, d'accord. Merci pour tout ça. D'accord, merci. Bonne nuit à toi. Merci à toi. À tous. I'm not your